Ceci étant dit, aujourd'hui, les conditions vont aller en s'améliorant, puisque ce matin, on a les restes d'une zone de pluie qui traverse le pays. Ça donne encore un petit crachin de fine pluie sur l'est de notre pays. Encore une ou l'autre averse sur l'ouest, mais de plus en plus rare. Le ciel bleu arrive déjà du côté de la Panne et les éclaircies vont se développer. On attend aujourd'hui 18 à 23 degrés. Ce n'est qu'un début, puisque demain, mercredi et jeudi, on peut même encore ajouter vendredi, le soleil sera bien présent. Les températures vont grimper. 23 à 28 degrés pour demain et une moyenne de 27 à 30, voire 31 degrés pour mercredi et jeudi. Et avant de retrouver C'est vous qui le dites, il est 9h. L'info continue, Sébastien Pierret, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Les routes wallonnes tuent, surtout le week-end et à la campagne. Ces 10 dernières années, plus de la moitié des accidents mortels survenus en Wallonie ont eu lieu sur des petites routes de campagne, un soir ou une nuit de week-end. Dans l'analyse statistique, on constate une proportion plus importante d'accidents sur les routes hors agglomération. Et c'est certainement lié notamment... La vitesse est souvent plus importante. La vitesse, est-ce qu'il y a aussi l'alcool qui est en cause ? Il y a également l'alcool qui est en cause. Quand on analyse les accidents, on voit que les accidents, les nuits de semaine, mais encore plus les nuits de week-end, sont en augmentation et sont très importants. Et cela est certainement dû à différents éléments. D'une part, la consommation d'alcool, très probablement aussi la consommation de drogue. Et puis, il y a également certainement les nuits de week-end, un phénomène qu'il est difficile de cerner, mais qui est certainement responsable d'un nombre important d'accidents, c'est la fatigue au volant. Patrick Dervéduen de l'Agence Wallonne pour la Sécurité Routière, joint par Nathalie Servais. Ce sont dans les provinces de Namur et de Luxembourg que les accidents mortels sont les plus nombreux. Les militaires qui patrouillent dans les rues commencent à trouver le temps long. Voilà, un an et demi maintenant qu'ils patrouillent dans les lieux publics pour en assurer la sécurité. Malgré que leur mission se déroule en Belgique, ils sont quand même loin de leur famille. Le soir, c'est dodo à la caserne. Alors à quoi ressemble leur quotidien ? Ariane Dufresne et Baptiste Dupin se sont réveillés avec eux ce matin. Levés ce matin, 5h, 5h30, les militaires partagent dans cette caserne des chambres de 2 à 8 personnes. Dans le réfectoire, il fait encore nuit quand on prépare le pique-nique pour la journée sur le terrain. On prépare environ entre 400 et 500 repas par jour, tous les matins et tous les soirs. Après le déjeuner, les militaires montent dans l'un des 250 véhicules de cette mission, direction Bruxelles pour une longue journée. Généralement, c'est entre les 12 et les 15 heures de travail. Ouais. Ça peut être du lundi au vendredi, ou 7 jours sur 7, ou on peut être engagé pour une semaine, deux semaines, un mois, c'est très aléatoire. Les militaires logent donc en caserne, même s'ils n'habitent qu'à quelques kilomètres de leur lieu de travail. C'est une question d'organisation, comme l'explique le colonel Bart Laurent. La raison la plus importante, c'est qu'elle est opérationnelle. Ça veut dire que nous devons avoir besoin de nos militaires en 24-7, possibilité de réaction et de les garder ici en cas où on doit les engager quand même aussi pendant la nuit par exemple. Cette mission de sécurisation a débuté en janvier 2015. Jusqu'ici, elle a été prolongée tous les mois par le gouvernement, ce qui devrait encore être le cas au mois de septembre. Le fils de l'imam de Dizon a été interpellé hier à son retour de vacances. Il y a 15 jours, il a diffusé une vidéo dans laquelle il appelle à tuer des chrétiens. Le jeune de 17 ans a depuis dit regretter son geste. Il sera entendu aujourd'hui par un juge de la jeunesse. Son père et sa mère ont également été interpellés. C'était il y a un an, des dizaines de réfugiés s'installaient dans le parc Maximilien à Bruxelles. Des hommes, des femmes, des enfants qui fuyaient la guerre en Syrie. Ils arrivent en Belgique et en attendant de pouvoir déposer une demande d'asile, ils s'installent dans le parc situé à deux pas de l'Office des étrangers. En tout, plus de 1200 réfugiés séjourneront dans des tentes. Certains d'entre eux passeront plusieurs nuits sur place, dans le froid, sous la pluie. C'est le cas de Zaïd, un Irakien de 26 ans. Un an plus tard, il est retourné au parc Maximilien et Alice Dulcevski l'a accompagné. Un endroit désert. Voici ce que découvre Zaïd en arrivant au parc Maximilien cet après-midi. Mais ce jeune Irakien s'en souvient, il y a un an, même s'il pleuvait comme aujourd'hui, l'ambiance était tout autre. Quand je suis arrivé ici la première fois, il y avait plein de tentes, des femmes, des enfants qui pleuraient. Il faisait froid. Zaïd passe en tout 6 jours dans le parc, dans l'attente d'être enregistré comme demandeur d'asile. Mais grâce aux nombreux volontaires présents, il en garde finalement un souvenir très positif. J'ai vu des jeunes nettoyer les toilettes pour nous aider. Quand tu perds toute foi en l'humanité et que finalement tu vois des gens te montrer l'inverse, tu te dis, c'est chez moi ici. Un volontaire lui trouve même une guitare, lui qui avait dû abandonner la sienne en Irak. Tu vois cet arbre ici? C'est l'endroit où j'ai trouvé un peu de sérénité pour jouer de la guitare. En plus, d'ici, je pouvais voir tout le monde. Là-bas, ils jouaient au football. Là, ils faisaient la file pour recevoir des vêtements ou de la nourriture. Aujourd'hui, Zaïd a le statut de réfugié. Il apprend le français et cherche à obtenir l'équivalence de son diplôme de prof d'anglais. Cet endroit, c'était le paradis pour beaucoup de gens. Ça signifiait une nouvelle vie. Il retourne encore régulièrement au parc Maximilien et il y emmène presque chaque fois sa guitare. Un mini-sommet pour relancer une Europe en pleine crise après le Brexit. Les dirigeants français, italiens et allemands se retrouvent cet après-midi au large des côtes italiennes sur l'île de Ventotene, entre Rome et Naples. Objectif, redonner du souffle à l'Europe après que les Britanniques ont décidé de quitter l'Union européenne. Des centaines de vols annulés, des trains perturbés, des routes impraticables. Tokyo, au Japon, s'apprête à affronter un puissant typhon. Des pluies diluviennes et des vents qui soufflent jusqu'à 180 km/h. Des dizaines de milliers d'habitants ont déjà été prévenus. Ils doivent se tenir prêts à évacuer leur maison car les risques d'inondations et de glissements de terrain sont importants. Et puis Rio qui a passé le flambeau olympique à Tokyo. Oui, c'était l'année dernière lors de la cérémonie de clôture des JO. Un spectacle coloré sur des airs de samba dans le stade Maracana à Rio de Janeiro. Ces JO, on le sait, côté belge, sont plutôt une excellente cuvée avec 6 médailles. Tous les regards se tournent donc désormais vers Tokyo où auront lieu les prochains Jeux Olympiques dans 4 ans. Pour Pierre-Olivier Beckers, le président du COIB, l'avenir s'annonce tout aussi ensoleillé. On revient au pays avec le sentiment du devoir accompli, même si il y a quelque part une frustration parce que certains de nos athlètes auraient pu faire encore mieux. Certains ont donné jusqu'à la dernière goutte de leur transpiration, de leur énergie, de leur potentiel et sont arrivés à quelques fractions de seconde d'une médaille et du podium et cela n'enlève rien à leur mérite. Je pense que l'encadrement était au top, le soutien médical, le soutien scientifique, l'ensemble du Team Belgium était au rendez-vous. Je crois que nos concitoyens peuvent en être vraiment fiers et je suis sûr qu'au lendemain de ces Jeux, il va y avoir un enthousiasme nouveau auprès des jeunes et de la population en général pour faire du sport et essayer de surfer sur cette vague de succès. Pierre-Olivier Beckers, le président du comité olympique interfédéral belge, au micro de notre envoyé spécial à Rio, François Zaleski, a signalé que la délégation belge sera de retour au pays demain en début de soirée. RTBF Mobile Info, Stéphane Piedbeuf fait un accident ce matin sur le ring de Bruxelles. Eh oui, en circulation extérieure à hauteur de Waterloo, c'est la bande de gauche qui est neutralisée et si vous êtes concerné par cet accident, attendez-vous à perdre 45 minutes en direction de Zaventem. Autre accident sur le ring de Bruxelles en circulation intérieure cette fois à hauteur de Vilvoorde. La bande de gauche est neutralisée vers Waterloo et là il faut ajouter 35 minutes. Ailleurs sur le ring, c'est le chantier d'Anderlecht situé en circulation intérieure entre Hautitre et Grand Bigard. Il faut ajouter une vingtaine de minutes actuellement. Ça ralentit aussi pour rejoindre Bruxelles. 25 minutes supplémentaires sur le 40 en venant de Gand entre Affligem et Ternat. Une vingtaine de minutes en plus sur le 411 qui vient de Namur pour ralentir à partir d'Overace, donc plus 20 minutes pour rejoindre le carrefour Léonard. Sur le 40 qui vient de Liège, une dizaine de minutes supplémentaires à partir de Berthem. Ajoutez également un quart d'heure sur le 19 en venant d'Anvers où vous ralentissez à partir de Zemst. Et puis une chaussée inondée sur le ring 9 de Charleroi dans la bretelle qui vient de la Nationale 90 vers le tunnel Yernaud en direction de la 54. Cette bretelle est fermée jusqu'à 10h. Une déviation est mise en place via la voirie en surface, via notamment le rond-point du Marsupilami. Et puis enfin, un radar à vous signaler sur le 42 Prume-Bâtisse entre Francorchamps et Spa en direction de Bâtisse. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Belle journée sur Vivacité, sur la Une, en télé. Il est de retour, toujours aux commandes de C'est vous qui le dites, Benjamin Maréchal. Eh ben donc ça redémarre, vous savez comment ça se passe. Vous avez la parole, vous commentez l'actualité. Sébastien écoute ça à la rédaction, rêve d'appeler, mais il peut pas. Mais je ne peux pas. Eh ben voilà, ainsi va la vie, C'est vous qui le dites démarre. voulez investir auprès d'une personne de confiance? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Matin en direct sur Vivacité, l'actu et les grands débats de société. Benjamin Maréchal vous donne la parole au 070 233 466. C'est vous qui le dites. À vous de choisir la conversation que vous souhaitez pour la deuxième partie. Au 070 233 466 à Lierneux d'abord. Si quand scout on fait des dégâts, canettes dans les bois, vols, nuisances sonores, les petits délaissés, pourquoi les animateurs ont-ils laissé les choses déraper à ce point-là ? La commune de Lierneux est donc une terre de camps, 52 camps sur l'ensemble de l'été, mais avec des groupes qui montaient à 145 personnes, le bourgmestre et la police ont eu fort à faire. 15 plaintes enregistrées, sans compter les riverains qui ont été d'eux-mêmes régler le contentieux directement sur les camps. Sono à fond, palettes d'alcool, canettes abandonnées au milieu des bois, tentes dans des endroits interdits et vols. À Villette, les animateurs ont volé 5 panneaux de signalisation avec les risques que l'on imagine pour la sécurité routière. Le bourgmestre dénonce aussi le peu d'encadrement puisque dans une autre commune de l'entité, des riverains ont vu des petits qui étaient laissés à l'écart par les animateurs pendant qu'ils faisaient la fête. Le bourgmestre pouvait exclure ses scouts du territoire. Il s'est retenu pour ne pas mettre les enfants en danger. Alors la question pour vous ce matin, à Lierneux, si quand scouts ont fait des dégâts, canettes dans les bois, vols, nuisances sonores, petits délaissés, pourquoi les animateurs ont-ils laissé les choses déraper à ce point-là ? L'appel de Mohamed VI aux Marocains hors Maroc, préserver notre bonne réputation. Est-ce que c'est un rappel à l'ordre ? On entend souvent dire que le monde musulman ne réagit pas. Eh bien, l'appel samedi de Mohamed VI aux 5 millions de Marocains de la diaspora est un moment fort. Restez attachés aux valeurs de votre religion et aux traditions séculaires face à ce phénomène qui vous est étranger, a-t-il dit. Tout musulman, chrétien ou juif doit dresser un front commun pour contrecarrer le fanatisme, la haine et le repli sur soi. Le roi du Maroc a également exhorté ses concitoyens à préserver la bonne réputation qui fait la notoriété des Marocains. Soyez toujours en première ligne parmi les défenseurs de la paix dans vos pays de résidence respectifs. Nous condamnons le meurtre d'innocents, le meurtre d'un prêtre dans l'enceinte d'une église est une folie impardonnable. À la question pour vous ce matin, l'appel de Mohamed VI aux Marocains hors Maroc, préservez notre bonne réputation. Est-ce que c'est un rappel à l'ordre ? Et puis au 070 233 466, dites la vérité à Serge. Vendredi, cet habitant de Flénu s'est fait voler 6 bébés chihuahua. Il lance un avis de recherche, mais est-ce qu'il a une chance de revoir les animaux ? Dites-lui la vérité. L'avis de recherche de Serge a déjà été partagé plus de 37 000 fois sur Facebook. Vendredi, cet éleveur de la région montoise s'est fait voler 6 chihuahuas à son domicile. Le vol a eu lieu entre 14h et 20h, explique Sud Presse. Les voleurs ont également emporté un appareil photo et deux ordinateurs. Mais c'est anecdotique, à côté du drame de ces animaux volés. Ces chiots valent chacun 5 000 euros. Ils venaient d'être sevrés, devaient être vaccinés et pucés mercredi. Ils avaient déjà tous trouvé un propriétaire. Hasard de l'actualité, samedi, la dernière heure nous a rappelé qu'on volait plus d'un chien par jour dans ce pays. Alors la question pour vous ce matin, dites la vérité à Serge. Serge, c'est cet habitant de Flénu qui s'est fait voler 6 bébés chihuahua. Il lance un avis de recherche, mais est-ce qu'il a une chance de revoir les animaux ? Marion Jomotte, le standard est donc ouvert. Et au standard avec Zoé Boss, nous attendons vos appels par téléphone au 070 233 466 ou par SMS au 3063 50 cents par message. Ce matin, trois débats, non, c'est vous qui le dites. En bref, des scouts qui dérapent, le rappel à l'ordre du roi du Maroc et le vol de Chihuahua. Les deux premiers débatteurs de l'année sont arrivés à l'heure ce matin pour la rentrée. Laurence Piret, journaliste La Meuse Liège, et Alexis Carantonis, journaliste à la dernière heure, s'installent en ce moment dans le studio. Laurence et Alexis, bonjour. Bonjour. Bonjour Benjamin. Bonne rentrée, puisque vous êtes les premiers de cette nouvelle saison. On commence cette conversation par ce qui s'est passé à Lierneux, c'est dans le fond le bilan de l'été, toute une série de camps scouts, où il y en a eu 52, mais 6 camps ont posé particulièrement problème. Canettes dans les bois, vols, nuisances sonores, petits délaissés. Commençons par les canettes délaissées dans les bois, et on voit ces images de restes de camps qui sont là, laissés à l'abandon. C'est acceptable, ça fait partie du folklore scout, ça, Alexis ? Non, c'est pas acceptable. C'est une dérive. On dit toujours que les scouts, c'est l'école de la vie. Voilà, il y a voilà, une preuve de plus que c'est parfois aussi l'école de la beuverie, malheureusement. Après, il ne faut pas généraliser. Il y a eu, on l'a dit, 52 camps. Il y en a 46 qui se sont très bien passés, avec des chefs qui sont responsables, qui ont veillé à remettre les lieux dans un bon état, dans le respect de la nature, etc. Moi, je l'ai vécu comme animé, comme animateur. J'ai vécu des camps qui dérapent et des camps qui dérapent pas. Ah bah alors, vous me direz dans un instant si les animateurs ont une responsabilité, parce qu'on voit que dans ces 6 camps, et puis il y a ceux qu'on ne sait pas, le bourgmestre et la police ont dû y aller plusieurs fois. Cette sono à fond, les petits qui sont délaissés, donc des riverains ont vu que les jeunes étaient délaissés pendant que des animateurs faisaient la fête. Ça, c'est clairement des animateurs qui n'ont plus le contrôle de ce qui se passe, Laurence, ou c'est pas ça qu'il faut comprendre? Non, je pense que c'est surtout des animateurs qui ne prennent pas leur rôle au sérieux. Or, aujourd'hui, les animateurs scouts sont des animateurs, certes, volontaires, mais ce sont des animateurs qui sont formés. Alors, ils ont une formation théorique, ils ont une formation pratique, et force est de constater que suite aux dérapages qui ont été constatés à Lierneux, pour moi, il faut remettre clairement ces animateurs-là sur le droit chemin, leur faire resuivre une certaine formation, et leur rappeler les règles élémentaires. Mais vous dites les reformer ou vous dites les recadrer dans le sens le plus punitif du terme? Moi, je dirais, évidemment, il faut qu'il y ait un suivi en termes sans doute de sanctions, mais aussi, oui, les reformer, parce que il faut constater qu'il y a des choses qui n'ont pas été qui n'ont pas été comprises. Ah, il y a des animateurs qui, à un moment, se font une expédition. Donc, ce n'est pas les scouts sous surveillance. Hein. C'est les animateurs qui font une expédition, volent de 5 panneaux de signalisation avec les risques en matière de sécurité routière. Ça, c'est une volonté de quoi? De nuire? C'est une... Comment vous l'expliquez, Alexis? C'est une volonté de faire les idiots. Moi, de ce que j'ai vécu, de mon expérience, il y a un peu deux journées lorsqu'on est animateur et que ça dérape. La journée, lorsqu'on a les enfants en responsabilité, on fait très attention, on ne fait pas de bêtises. Et puis, lorsqu'ils sont au lit, la nuit, c'est une deuxième journée qui commence. Et je pense que c'est plutôt dans cette partie-là de la journée que ça a dérapé. Il est évidemment pas impossible que l'alcool ait joué un rôle là-dedans. Moi, je pense qu'il faut peut-être penser à exclure du mouvement des animateurs qui dérapent à ce point-là. Le scoutisme, ça représente quand même quelques valeurs. Là, je pense qu'il y a eu... qu'on se met en porte-à-faux vis-à-vis de ces valeurs, et là on peut effectivement envisager une exclusion. C'est pas neuf, ça a toujours existé, mais là effectivement pour les riverains ça doit quand même être particulièrement compliqué. On est largement hors valeur là, un canet dans les bois, vol, nuisance sonore, petit délaissé. On va demander un avis à Namur. Pierre est en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Avant de nous dire si vous êtes arrivé avec des scouts à la fin du mois de juillet, je voudrais votre avis sur ce qui s'est passé à Lierneux. Est-ce que les animateurs peuvent laisser à ce point les choses déraper? Vous savez que les animateurs n'avaient pas le contrôle? Ben oui, je crois pas que c'est très bien, non. Qu'est-ce qui vous est arrivé fin juillet? J'ai pris le train pour Bruxelles, et puis le train était un peu en retard, il y a un petit train bondé de scouts qui est arrivé, ils ont pris le train d'assaut, et j'ai 66 ans, je sortais de l'hosto, bon, personne ne le savait évidemment, mais... J'ai dû rester debout pratiquement tout le trajet, c'est bondé de chez bondé, j'arriverai jamais à destination. C'était des jeunes de quel âge? Ça partait de 10 à plus, quoi. Est-ce qu'à un moment, les animateurs demandent à la troupe de vous laisser une place ou de vous préserver? Vous n'avez pas vu d'instruction? Jamais. Vous leur avez dit? Je ne vous ai pas demandé, non, pas mon genre. Mais vous avez vu quoi? Vous avez vu de l'incivilité ou vous étiez vraiment en péril? Vous aviez besoin d'un espace qu'on ne vous a pas donné? Oui, tout à fait. Mais je n'osais pas demander, justement. C'est gênant. Je vous demande ce qui est de l'ordre du folklore à Lierneux. Donc ces jeunes qui laissent des canettes dans les bois, après le camp, ils sont parfois jusqu'à 130 dans un camp, des canettes dans les bois, c'est grave ou c'est pas grave? Oui, parce que moi j'ai été scout bien avant et on n'agissait pas comme ça, jamais. Jamais. La nuisance sonore, quand on loue son terrain à des scouts, on sait qu'il y aura de la nuisance sonore ou on ne sait pas qu'il y aura de la nuisance sonore? Faut pas être non plus trop draconien. Hein. C'est toute la question de la limite qui se posera tout à l'heure si la conversation s'impose. Pierre, on verra si on continue plus loin tout à l'heure. Je termine avec Laurence et Alexis. Est-ce que le bourgmestre qui a décidé de ne pas le faire, Laurence, est-ce que le bourgmestre aurait dû exclure ces unités du territoire? Il en a eu l'envie, il s'est abstenu. Il aurait pu le faire, effectivement. À mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'à l'été 2017, le bourgmestre va sans doute prendre les choses différemment, peut-être ne plus autoriser autant de camps sur sa commune, parce que c'est vrai que c'est énorme, évidemment, le nombre de camps qu'il y a eu. Mais il aurait pu ou il aurait dû les exclure, ce qui aurait été un signal définitif. En même temps, le problème, c'est que s'il les excluait... Où allait-il aller ? Ces jeunes, est-ce que les parents allaient venir les rechercher ? Et c'est vrai aussi que pour le mouvement de jeunesse, ça aurait été une image catastrophique. Après, je pense que c'est vraiment un problème aussi d'éducation. On ne laisse pas ses crasses dans la nature, on laisse sa place aux usagers plus faibles dans un transport en commun. Là, ce n'est pas, pour moi, une formation scout qui apprend ça. C'est de l'éducation pure. Ah, même question, Alexis, parce que la police est venue plusieurs fois, qu'il y a eu des riverains qui ne sont pas passés par la police. Est-ce que le bourgmestre aurait dû prendre ses responsabilités en disant « dehors du territoire ». Mais apparemment, il y a un camp qui s'est excessivement mal passé. Même les policiers n'ont pas réussi à remettre le camp sur le droit chemin. Je pense que dans ce cas-là, effectivement, l'exclusion, qui doit évidemment être une arme réservée aux cas les plus extrêmes, aurait pu être sortie du chapeau du bourgmestre. Même si, effectivement, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi ça a dérapé à ce point. Se questionner aussi peut-être sur la responsabilité des gens qui sont responsables sur le camp. Est-ce qu'il ne faut pas mettre quelqu'un encore au-dessus des chefs et des animateurs pour tenir tout cela à l'œil ? Un chef du chef. Voilà, peut-être un chef. Je sais pas si c'est. Voilà, ça peut être la police ? Je sais pas si. Ça peut. Non, ça ne doit pas être la police. Ça ne devrait jamais être la police. Mais voilà, peut-être essayer de remettre une hiérarchie supplémentaire pour encadrer encore plus tout ça. Je pense que ça permettrait aussi de remettre les parents en confiance, parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont peur, qui ont envie de mettre leurs enfants dans le scoutisme, mais qui ont peur de le faire parce qu'ils ont peur des animateurs qui ne seraient pas responsables, et donc d'enfants gérés par des enfants. C'est peut-être aussi une piste à suivre. Vous avez dit votre passé. Laurence, vous avez été scout, vous ? Non, mais par contre, j'ai fait un camp en tant que cuistot, et c'est vrai que, comme Alexis disait, il y a vraiment deux journées très différentes. Oui. Ah bah, vous nous les racontez tout à l'heure. Les cuistots, c'est les pires en plus. Ah bah, vous nous raconterez votre expérience de cuistot. Lierneux, si qu'en scout on fait des dégâts, canettes dans les bois, vol, nuisance sonore, petit délaissé, pourquoi les animateurs ont-ils laissé les choses déraper à ce point-là ? Dans un instant, le deuxième débat sur la table. L'appel de Mohamed VI aux Marocains hors Maroc, est-ce que c'est un rappel à l'ordre ? Ensuite, dites la vérité à Serge. On lui a volé 6 bébés chihuahuas. Avis de recherche, mais a-t-il vraiment une chance de revoir les animaux ? Dites-lui la vérité. Et puis 10h45, la question qui dérange. Après l'agression d'un médecin de forêt, l'ordre des médecins veut une liste noire des patients identifiés comme violents. Est-ce que ça veut dire que ceux-là, on ne les soignera plus ? C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct, au 070 233 466. Par SMS, 3063, 50 centimes par message. Voltaren est un médicament au diclofénac. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice. Aujourd'hui, on va travailler les poignets. On sort de l'eau, on prend sa serviette et on la tient bien fermement. Et on la laisse flotter au vent. Et hop, on la secoue. Allez, bien souple les poignets, il reste du sable. Retrouvez le plaisir de bouger grâce à Voltaren Emulgel Forte contre les inflammations douloureuses de vos articulations. Une seule application toutes les 12 heures. Soulage votre douleur durablement. Vivacité à Liège. En toute complicité. Sur 90.5 FM. Athénée Maurice Destenay, le meilleur choix pour les études. Tous les types d'enseignement, de l'immersion en anglais et un apprentissage moderne avec entre autres tablettes et tableaux interactifs. Athénée Maurice Destenay, désormais 3 implantations avec un premier degré sur le site EC Carré près de la Médiacité. Ça bouge à Destenay. Info 04 343 04 28. Oh là là, c'est Benjamin Maréchal. Tu parles d'une rentrée, 8h20 Cactus et Jérôme n'était pas là. On l'a appelé sur son répondeur. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Jérôme de Et depuis, on n'a aucune nouvelle. Alors j'ai décidé de lancer l'alerte disparition salariée. Avez-vous vu un individu de type comique ? Le genre qui, blague à part, devait être là ce matin. Alors vous avez vu Jérôme cet été, vous l'avez vu en vacances. Sur Facebook, ça discute du bobard qu'il inventera. Mais surtout, dites-lui de revenir. Sinon demain, il n'y a pas de plan B et je ferai le cactus moi-même. Rue Morgana le femelle et ça va être autre chose. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Et donc c'est vous qui le dites, c'est de retour à la radio et sur la Une Télé. Deuxième débat sur la table avec vous, bien sûr. On commente aussi avec Laurence Piret, la Meuse et Alexis Carantonis, la dernière heure. L'appel de Mohamed VI aux Marocains hors Maroc, samedi à la télévision, un appel très riche de sens aux Marocains hors Maroc, ce qu'on appelle la diaspora, et dans les messages il y avait « Population, eh bien, restez attachés aux valeurs de votre religion, tradition séculaire face à ce phénomène qui vous est étranger, sous-entendu le terrorisme, rejetez le fanatisme, la haine, le repli sur soi, non, égorger un prêtre dans l'enceinte d'une église, c'est une folie impardonnable, on ne peut pas passer ça sous silence, et puis cet appel donc préserver notre bonne réputation. » Vous avez entendu ça, Laurence, comme un rappel à l'ordre des Marocains hors Maroc ? Auquel cas, ce serait presque insultant ? Oui, c'est ça, rappel à l'ordre. Je ne suis pas forcément en accord avec ce principe-là. Par contre, je pense que c'est vraiment une façon pour lui de marquer le fait que le Maroc s'inscrit dans un islam ouvert, tolérant, moderne finalement, où l'islam est une religion d'État, mais où le fanatisme, lui, n'a pas sa place et où des terroristes sont des meurtriers et non pas des martyrs à encenser. Il y a un souci du détail quand même dans son discours, Alexis, c'est qu'effectivement il y a tous les principes sur la paix, le vivre ensemble. Et bien quand même un exemple très précis, le meurtre d'un prêtre dans l'enceinte d'une église est une folie impardonnable. Ça sous-entend que pour certains, ça fait partie des dommages collatéraux de cette guerre sainte ou pas sainte ou djihadiste ? Peut-être, mais en tout cas, vous avez raison de le dire, le choix des mots employés est assez fort. Ce que vous venez de dire là, une folie impardonnable pour le meurtre du père Jacques dans l'église, ça pourrait être le titre d'un éditorial de la presse francophone, quoi. Donc c'est vraiment, il s'inscrit dans la même lignée que nous. Donc c'est engagé, c'est très engagé. C'est engagé, c'est courageux. Oui, d'autant plus qu'il va plus loin dans son discours aussi. Il dit que ceux qui contreviennent à l'islam comme ils l'ont fait dans cette église et à Nice, etc., sont eux les auteurs de la véritable mécréance. Donc il va plus loin que ça encore. Moi je pense que la prise de position est nécessaire, c'est vraiment une mise au point qui fait du bien, même si je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire de dire que la communauté islamique doit se montrer, doit marquer sa position, marquer son désaccord par rapport à tout ce qui se passe. Ça fait quand même du bien de l'entendre, surtout avec des mots aussi francs. Et puis voilà, c'est pas n'importe qui aussi, c'est le roi du Maroc, ça fait près de 20 ans qu'il règne, il s'exprime rarement pour la diaspora marocaine hors de son pays, là il le fait, je pense que c'est assez marquant et que ce n'est pas anodin. Vous êtes musulman, pas musulman, vous êtes marocain, pas marocain, venez prendre la parole dans une seconde au 070-233-466. Sur la responsabilité, Laurence, donnée à tous ces Marocains hors Maroc, soyez toujours en première ligne parmi les défenseurs de la paix dans vos pays de résidence respectifs. C'est une mission qu'il a donnée aux Marocains ? Oui, et le roi au Maroc ayant un pouvoir religieux, ici, il se positionne vraiment comme étant quasiment un guide et il donne vraiment un message fort de dire donner une bonne image de nous, les Marocains, à l'étranger. Et c'est vrai que, ici, en avril dernier, la Belgique et le Maroc ont conclu un accord, justement, pour favoriser les échanges, que ce soit en termes de renseignements, etc., de coopération judiciaire, policière, pour justement lutter contre le terrorisme. On va demander un avis à Carnion. Jean-François en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Maréchal. L'appel de Mohamed VI aux Marocains hors Maroc. Préserver notre bonne réputation. Tout musulman doit contrecarrer le fanatisme. Est-ce que c'est un rappel à l'ordre pour vous ? Oui, c'est un appel à l'ordre parce que, si vous voulez, entre les années 1965 et 1985, les jeunes Marocains, je pense notamment à Nice, à la plage, ils vivaient à l'européenne. Hein, donc, et à partir de 1985, je ne sais pas ce qui s'est passé, on est allé de plus en plus vers le fanatisme religieux. Hein. Mais il y a eu 20 années où... Pourquoi vous le voyez comme un rappel à l'ordre, comme une manière de remettre les gens dans le droit chemin ? Vous voyez qu'autour de la table, certains ont dit que c'est plus un message de guide, c'est plus un message de main légèrement dans le dos. Vous voyez ça comme un recadrage ? Oui, si c'était le cardinal catholique qu'il disait, on pourrait dire que c'était un coup de crosse à l'égard de personne. Hein. Donc, mais lui, ce n'est pas un chef religieux. Enfin oui, on se comprend, mais c'est le roi du Maroc qui parle à la population hors Maroc. Ça peut être perçu comme étant un peu insultant ou pas ? Ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit à la communauté marocaine hors Maroc. Non, pas du tout. Pas du tout. Disons que c'est quelqu'un, je suppose, qui vit à l'occidental plus ou moins. Et alors... qui rappelle, disons, à la diaspora qu'elle doit s'adapter au pays d'accueil. Hein. Vous lui dites merci de ce message ou c'est pas ça la bonne réponse à donner à Mohamed VI ? Oh, je dirais que c'est très bien. Je dirais que c'est très bien, que c'est un rappel qu'il fallait faire à l'égard de sa population. Hein, Alors je note qu'il fallait le faire, il fallait le faire. Dernière chose autour de la table, Jean-François, et on ira peut-être plus loin tout à l'heure. Vous pensez que c'est commandité par un quelconque pouvoir, gouvernement européen qui a demandé à Mohamed VI d'aller au front, Laurence, ou c'est spontané? C'est un appel spontané? Non, je pense que c'est spontané. Il lui-même a appelé le roi Philippe après les attentats de Paris, justement parce qu'il y avait des belgo-marocains impliqués. Un type comme Abaoud, qui est le cerveau des attentats de Paris, est un belgo-marocain. Et on se rend compte qu'effectivement, le Maroc fait aussi l'objet de menaces terroristes, est un pays de passage vers la Libye où l'État islamique est présent. Et donc, effectivement, le fait qu'il se positionne comme ça, c'est aussi une manière de dire n'allez pas vers l'État islamique, ce n'est pas la bonne voie à suivre. Même chose, Alexis. Si c'est un message spontané ou c'est le fruit d'un donnant-donnant avec un gouvernement européen, donne ton message, en échange tu auras ceci, est-ce qu'on peut y voir une manœuvre derrière? J'opterais aussi plutôt pour la thèse spontanée, en rappelant aussi que le Maroc est fortement impliqué dans la lutte contre le terrorisme avec des services de renseignement qui sont vraiment à la pointe et qui ont aidé notamment sur les attentats qui se sont produits en Belgique. Et pour revenir sur le discours de Mohamed VI, moi je trouve que effectivement on peut y voir quelque part un recadrage, moi je dirais plutôt mise au point. Après, est-ce que ce sera efficace? Est-ce que ça va couper certains musulmans occidentaux élevés à l'européenne de cette destinée-là? Voilà, ça restera à voir. Le seul reproche qu'on pourrait lui faire, c'est que finalement, c'est un petit peu tardif, je trouve. Vous êtes marocain, votre avis compte plus que jamais dans cette conversation, évidemment. L'appel de Mohamed VI aux Marocains hors Maroc, préserver notre bonne réputation. Est-ce qu'on peut le voir comme un rappel à l'ordre? Dans un instant, troisième débat sur la table. Dites la vérité à Serge. Cet habitant de la région montoise vient de se faire voler 6 chihuahuas à 5000 euros pièce. Est-ce qu'il a une chance de les revoir ou il ne les verra plus jamais? Et puis 10h45, la question qui dérange. Après l'agression d'un médecin à Forêt, l'ordre des médecins veut une liste noire des patients identifiés comme violents. Si vous êtes sur cette liste, est-ce que ça veut dire qu'on ne vous soignera plus? C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct, au 070 233 466. Par SMS, 3063, 50 centimes par message. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. La rentrée approche et Sud-Presse vous aide à planifier cette nouvelle année. Ce mercredi 24 août, recevez votre calendrier scolaire à l'achat de votre journal. Le jeudi 25 août, des étiquettes pour cahiers. Et le vendredi 26 août, un calendrier des anniversaires. C'est gratuit avec la Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale. Encore une exclusivité. Sud-Presse. Vous connaissez l'histoire de cet électricien qui a pété les plombs? Ou celle de ce marchand d'antivol qui s'est fait cambrioler? Ou de cette entreprise d'extincteurs qui a brûlé? Non, c'est normal. Vous avez mieux à faire qu'imaginer le pire pour votre entreprise. Moi, c'est mon métier. Alors, passez me voir et effectuons un check-up de vos assurances professionnelles. J'ai plein de conseils à vous donner. Pour maintenant et plus tard. Votre agent d'assurance CBC. Anticipez pour mieux faire avancer les entrepreneurs. CBC, décidez d'avancer. Vivacité présente Fiesta City du 26 au 28 août à Verviers avec Overphonic, Magic System, Les Innocents, Kenneth Heath, Grand Georges, Hugo, Jacques Stotzem, Kate Anstrel, Boogie Boys and the Woogies. En concert gratuit. Toutes les infos sur fiestacity.be avec le soutien de la province de Liège, l'Avenir et la Loterie Nationale. Un smartphone performant, c'est chouette. Sinon... Et c'est parti! Mais enfin, le tour vient à peine de commencer. Jaline ? Ouais ? C'est toi qui as débranché la prise de manège ? Bah oui, pour recharger mon GSM. La batterie se décharge tout le temps. Pour un GSM plus performant, profitez maintenant chez Orange d'un tout nouveau smartphone 4G à seulement 9 euros avec Dauphin 25 Smartphone. Et restez connecté avec le monde. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Alors tous à Mété pour le grand week-end Cap 48. Une occasion unique de pédaler sur le circuit et de découvrir le Ravel Félicien Rops vers Fostaville avant d'applaudir à l'arrivée Suarez en concert gratuit. À samedi, les amis. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Viva, viva, viva, viva. matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Troisième débat sur la table avec Alexis, la dernière heure, avec Laurence, Sud-Presse. Dites la vérité à Serge. Serge, c'est un habitant de Flénu, région montoise. Vendredi, entre 14h et 20h, on lui a volé ses 6 bébés chihuahua. Il a lancé un avis de recherche qui a déjà été partagé plus de 37 000 fois. Mais ces 6 chihuahuas sont toujours dans la nature à un moment très précis. Donc les animaux venaient d'être sevrés. Ils devaient être vaccinés et pucés mercredi. Ils avaient tous trouvé propriétaire. Il y a bien sûr une valeur marchande. Il y a aussi une valeur affective. Et puis une grande interrogation sur la sécurité maintenant de ces bébés. Dites la vérité à ce monsieur. Est-ce qu'il a, à votre avis, Laurence, une chance de les revoir ou pas? Et puis on verra ce que ces animaux peuvent devenir. Mais dites-lui la vérité. Je vais peut-être être dure, mais je pense que les chances sont très minces. Parce que bah, d'abord, ce sont des animaux qui ne sont pas pucés, effectivement, pas identifiés. Que sans doute sont-ils partis vers déjà l'étranger. Donc, faudra regarder évidemment les réseaux de vente, les réseaux sociaux, etc. Mais je pense que très sincèrement, les chances sont faibles, même si le monsieur a proposé spontanément de les racheter. Pourquoi cette question de la vérité? Parce qu'elle est à la hauteur, effectivement, de l'appel qu'il lance. Il y a l'appel sur les réseaux sociaux. Il y a aussi l'appel qui est garder l'appareil photo. Est-ce que vous avez volé les ordinateurs? Moi, ce que je veux, c'est les chiens pour leur santé, par amour. Même chose, Alexis. Dites la vérité à ce monsieur qui est dans un vrai moment de recherche et de médiatisation. Oui, moi, je serais encore plus dur que Laurence. Je pense qu'il ne reverra jamais ses chiens, malheureusement. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que les personnes qui lui ont dérobé ses chiens ne voient pas de différence entre le chien et l'ordinateur. Pour eux, ce sont deux biens matériels. Alors, évidemment, c'est horrible de parler comme ça, mais c'est de la marchandise. Ça a une valeur. Voilà, il y a un chiffre sur ce chien, en l'occurrence entre 500 et 1000 euros pour un chiot. Donc, évidemment, c'est beaucoup d'argent. En plus, il n'était pas pucé. Quoique, même s'il l'avait été, aujourd'hui, les voleurs de chiens ont toutes les techniques pour enlever une puce. C'est assez simple. On sait où elle est. Elle est toujours au même endroit, etc. Une petite incision et c'est fait. Donc, voilà. Malheureusement, c'est un fléau qui prend de plus en plus d'ampleur. La question, c'est à quoi sont destinés ces chiens? Ensuite, est-ce qu'ils partent ailleurs dans les pays de l'Est pour la reproduction? Est-ce qu'ils sont revendus à des particuliers belges? C'est tout à fait possible. Donc là, effectivement, il y a des gens qui peuvent rester attentifs en regardant bien les photos, notamment des chiots qui ont été dérobés à Serge. Mais c'est clair qu'il y a de plus en plus, on en voit de plus en plus passer, que ce soit sur Facebook et ailleurs. Il va falloir commencer à prendre des mesures plus radicales. Mais donc, pour vous, Laurence, il n'y a pas d'ambiguïté. Ce ne sont pas des voleurs d'ordinateurs, d'appareils photo et qui ont vu des chiens mignon. C'est clairement un vol ciblé. On est venu là chercher des chihuahuas. Oui, tout à fait. Et le plus interpellant pour moi, c'est qu'en plus, on est venu entre 14h et 20h en pleine journée, parce que sans doute était-il surveillé et a-t-on vu qu'il allait partir. Après, moi, ça me pose aussi un souci, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde met tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. La naissance de ces petits chihuahuas, Serge, le propriétaire, en a fait part sur Facebook, a parlé de ces chihuahuas. Il a manqué de prudence. Peut-être, oui, parce que forcément, son nom est sur Facebook. Après, il suffit, moi je suis pas cambrioleuse ou quoi, mais il suffit d'aller un peu farfouiller sur Internet, je suis sûre qu'on trouve son adresse privée. Et voilà, c'est parti. Et donc effectivement, pour les personnes malveillantes qui auront vu ça, c'est 5000 euros facilement volable. On va demander un avis à Flawin. Luc, bonjour. Bonjour, Benjamin. Et je vous demande de dire la vérité à Serge, cet habitant de Flénu qui s'est fait voler 6 bébés chihuahua, qui lance un avis de recherche. Est-ce qu'il a des chances de revoir les animaux? Non. Je crois que tout a été dit par vos deux invités. À partir du moment où les chiots ne sont pas pucés, et à partir du moment où il en a fait une, entre guillemets, certaine publicité sur Facebook ou sur Internet, peu importe, non. Je ne crois pas qu'il les retrouvera jamais. Mais alors comment on aurait pu empêcher ça? Des chihuahuas jeunes et des naissances, il faut les protéger comme on protège une banque? Presque. Attendez, je vous ai entendu dire 5000 euros le chiot. J'aimerais savoir si c'est 5000 euros le chiot ou 5000 euros l'ensemble. Précision, l'ensemble des chiots. Il y a une valeur marchande qui était malgré tout énorme. Ah oui, bon, j'avais compris, à 5000 euros le chiot, je m'étais dit, là, c'est certain que il y aurait une arnaque pure et simple aussi au niveau de la vente. Luc, il y a une chose, il y a le vol, il y a les retrouver, puis il y a la santé des animaux. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour ces jeunes chiots? Est-ce qu'on doit s'inquiéter et même parler de risque de mort? Ou c'est pas ça l'enjeu de ce vol? Je ne pense pas. Je pense que justement, l'enjeu du vol, ce sont les chiots. Bon, maintenant, est-ce que les voleurs sont venus pour voler les chiots et qu'ils ont volé l'ordinateur et l'appareil photo? Ou est-ce qu'ils sont venus simplement pour voler et qu'ils ont découvert les chiots? Ces gens qui ont pris les chiots, je ne pense pas qu'ils vont les maltraiter. Je pense plutôt qu'ils vont bien les traiter pour pouvoir les revendre et se faire un maximum de fric dessus. Ce qui veut dire qu'il y a un marché potentiel au noir pour ce genre de chien. Merci Luc pour votre avis. Rapidement, autour de la table, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour la santé des animaux, Alexis ? Oui, clairement, de manière très légitime, on peut s'inquiéter pour la santé des animaux. Juste revenir sur ce que Laurence disait, effectivement, c'est un peu le problème lorsqu'on est éleveur agréé. On est quelque part contraint à faire la publicité de comment on élève ses chiens, etc. On peut publier des photos des enclos, de son chez-soi, etc. Regardez comme ils grandissent bien, etc. Mais voilà, c'est aussi un piège qui peut se refermer sur soi-même. Ils étaient tous attribués, hein, ce stade. Ce sont des propriétaires qui n'auront pas les chiens. Vous vous inquiétez aussi pour leur santé, avec un risque peut-être de maltraitance et ou de mort, Laurence ? Je pense pas, parce que je pense que les personnes qui sont venues les voler, ayant l'objectif de les revendre, ou comme Alexis disait, peut-être pour faire de la reproduction à l'étranger, et on sait que c'est un réseau qui existe aussi, justement, on va en prendre soin parce qu'ils savent que ça vaut 1000 euros plus ou moins le chien. Et donc, l'objectif, c'est évidemment de ne pas perdre cette valeur marchande-là. Et donc, je pense qu'effectivement, ils vont bien les traiter. À vous de donner un avis maintenant. Laurence Pire, Alexis Carantonis, bonne journée, messieurs, dames. Merci, bonne journée à tous. C'est vous qui le dites au 070 233 466 et par SMS 3063. 50 centimes par message. Dans trois débats donc ce matin, d'abord à Lierneux, si quand scout on fait des dégâts, canettes dans les bois, vol, nuisance sonore, petits délaissés, pourquoi les animateurs ont-ils laissé les choses déraper à ce point-là? Ensuite, l'appel de Mohamed VI aux Marocains hors Maroc, préserver notre bonne réputation, est-ce que c'est un rappel à l'ordre? Et puis dites la vérité à Serge, cet habitant de Flénus s'est fait voler 6 chihuahuas, des bébés, il lance un avis de recherche, est-ce qu'il a une chance de revoir les animaux? Au 070 233 466, nous sommes à Grasse-Hollogne. Béatrice, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Et vous souhaitez commenter ce qui s'est passé à Lierneux avec ces camps scouts qui ont dégénéré. Parenthèse, Vous qui aviez un manège à Oé, vous avez déjà reçu des scouts sur votre terrain? J'ai reçu effectivement des scouts, enfin c'était des lutins, donc accompagnés de donc des jeunes. Hein. Normalement, donc en fait c'était des jeunes qui devaient avoir un endroit chauffé, de l'eau, des WC. Voilà. Qu'est-ce que vous avez vu de la parfaite maîtrise et contrôle du camp de la part des animateurs? Est-ce que vous les avez vus très concernés et en charge? Absolument pas. C'est-à-dire? Absolument pas. C'est-à-dire qu'en fait, bon ben, ils partaient la nuit. Au départ, ils m'ont demandé, tiens, est-ce qu'il y a d'autres camps scouts dans le coin? Moi, j'ai été guide moi-même, donc je me dis, c'est pour aller rencontrer d'autres, hein, ou organiser des activités ensemble. Béatrice, je vous ramène deux secondes. Non, c'était ils partaient pour faire, ils partaient en voiture la nuit, faire des attaques, comme ils appellent ça, dans les autres camps scouts, en laissant les gamines toutes seules, qui étaient dans les endroits non chauffés parce que eux avaient pris les endroits chauffés. Donc ça peut correspondre à ce qui s'est passé à Lierneux, où des riverains disent avoir vu des jeunes qui étaient délaissés par les animateurs. Ah oui, absolument. Alors bon, on a retrouvé du vomi, des joints, enfin des restes de joints. Béatrice, une explication. Est-ce qu'il est possible, puisque les animateurs à Lierneux ont laissé les choses déraper, est-ce qu'il est possible que ce soit impossible de gérer des camps à 130, 140 jeunes? C'est lié à la taille? 130 jeunes, non, là ils étaient beaucoup moins. Hein. Mais à Lierneux, ils étaient parfois jusqu'à 130. C'est trop, à votre avis? Par camp? À Lierneux, les camps étaient parfois composés de 130 jeunes. C'est trop? Non, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. C'est pour ça que je vous pose la question, parce que le nombre peut peut-être expliquer le dérapage des animateurs, qui dans votre cas allaient donc faire des attaques de camp. On verra si on peut aller plus loin tout à l'heure. RTBF Mobile Info maintenant. Stéphane. C'est compliqué sur le ring, Benjamin. Toujours deux accidents. Le premier s'est produit en circulation extérieure à hauteur de Waterloo. C'est la bande de gauche qui est neutralisée en direction de Zaventem. Il faut encore compter 25 minutes supplémentaires. Autre accident en circulation intérieure, cette fois à hauteur de Vilvoorde. La bande de gauche est neutralisée vers Waterloo, plus 10 minutes. Et puis ailleurs sur le ring, les travaux d'Anderlecht vous ralentissent entre Bercelles et Forêt en circulation intérieure toujours. Vers Grand Bigard, vous ajoutez 20 minutes. Et puis pour rejoindre Bruxelles via le 411, toujours une vingtaine de minutes supplémentaires. En venant de Namur, vous ralentissez à partir d'Overace pour rejoindre le carrefour Léonard. 20 minutes en plus également sur le 40 en venant de Gand, vous ralentissez à partir d'Alost. Et puis dans Bruxelles, quelques ralentissements dans le tunnel Léopold 2 vers le midi. Et puis dans la liaison du tunnel Stéphanie vers la Basilique. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant à Soumagne, Steve viendra dire la vérité à Serge, cet habitant de Flénu qui s'est fait voler 6 chihuahuas. Oh là là, c'est Benjamin Maréchal. Tu parles d'une rentrée, 8h20, Cactus, et Jérôme n'était pas là. On l'a appelé sur son répondeur. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Jérôme de Et depuis, on n'a aucune nouvelle. Alors j'ai décidé de lancer l'alerte disparition salariée. Avez-vous vu un individu de type comique? Le genre qui, blague à part, devait être là ce matin. Alors vous avez vu Jérôme cet été, vous l'avez vu en vacances. Sur Facebook, ça discute du bobard qu'il inventera. Mais surtout, dites-lui de revenir. Sinon demain, il n'y a pas de plan B et je ferai le cactus moi-même. Rue Morgana le femelle et ça va être autre chose. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo. Vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. Hérisson, tu te dandines sur les sentiers du Ravel. Tu louvoies, tu dodelines lorsque les journées sont belles. Tu dégaines tes piquants au moment où vient Manon, chevauchant son vélo blanc et pff, c'est la crevaison. Sur le Ravel, en tout temps, règne la loi du hérisson. Voilà pourquoi les AP Assurance vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurance, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Viva, 9h45, l'info en temps réel puisqu'on vient d'apprendre la mort de Toots Thielemans, légendaire musicien belge, faut-il vous le rappeler, icône du pays, Toots Thielemans qui est mort à l'âge de 94 ans, un anniversaire qu'il aurait dû fêter aujourd'hui. On en reparle dans le journal de 10h tout à l'heure. Au 070-233-466, Marion, l'appel de Mohamed VI aux Marocains hors Maroc, préserver notre bonne réputation. Est-ce que c'est un rappel à l'ordre à ce propos? Eh bien, à ce propos, pour Antoine de Recours, oui, c'est clairement un rappel à l'ordre. Et d'ailleurs, Antoine est très content que le roi du Maroc l'ait enfin fait. Jusqu'ici, Antoine était un peu déçu parce qu'il n'y avait pas encore eu de réaction officielle de la part du monde musulman. Alors pour lui, ce silence était en quelque sorte un soutien de la part du roi du Maroc aux barbaries commises par des Marocains. Aujourd'hui, le roi du Maroc s'est positionné clairement et sans ambiguïté. Antoine attendait ce genre de prise de position. Nous allons à Soumagne. Steve en ligne, bonjour. Bonjour. Dites la vérité à Serge, qui est cet habitant de Flénul, s'est fait voler 6 bébés chihuahua juste avant le puçage. Est-ce qu'il a des chances de revoir les animaux ou pas? J'ai bien peur que non. Non? J'ai bien peur que non, parce que sans les puces, comment voulez-vous retrouver les chiens? Il n'y a pas de numéro d'immatriculation, il n'y a rien, il n'y a aucune trace. Mais et donc ça veut dire qu'un appel... plus un chihuahua qu'un autre chihuahua. Mais donc ça veut dire qu'un appel et une mobilisation pareille et un appel affectif, ça ne va pas jouer sur les voleurs? J'ai bien l'impression que non. Les chiens ont bien trop de valeur. Hein. Ils vont les revendre à prix d'or, évidemment. Et pour eux, c'est un beau vol, quoi, en fait. Hein. Donc c'est pas des gens qui sont venus pour voler un ordinateur et des appareils photo, c'est des gens qui visaient des chiens. Ouais, ils visaient les chiens, mais ils visaient surtout la valeur marchande du chien. C'est ça le problème. Donc, à la limite, ils se foutent pas mal de l'animal. Et tout ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils peuvent retirer. Vous avez des chiens et des animaux chez vous? Ah, j'attends le mien dans 15 jours. Je l'ai commandé. Vous aurez quoi? J'aurai un berger blanc canadien. Alors, vous connaissez les filières d'achat. Il est possible que quelqu'un en Belgique achète un chihuahua au noir venant d'on ne sait où? Oh, je suis persuadé que c'est tout à fait possible. Ça, j'en suis certain, ça. Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce que ces animaux qui ont été volés sont en danger? Voler pour être vendu, c'est une chose, mais est-ce qu'on peut craindre la maltraitance, qui est une des inquiétudes de Serge? De la part des voleurs, ça m'étonnerait, parce que bon, ils ont quand même trop de valeur, et une marchandise qui est maltraitée, il n'a plus de valeur. Mais bon, quant à savoir dans quel milieu ils vont atterrir, ça, c'est une autre paire de manches. Ça, c'est pas garanti, pas du tout même. Vous me donnez un avis? Les voleurs, ils sont bien tombés ou ils savaient que les chiens n'étaient pas encore vaccinés et pucés? Oh, écoutez, ça, je n'ai pas d'avis. Ils ont peut-être eu un coup de chance ou alors ils étaient renseignés, mais je ne pourrais vraiment pas vous le dire. Ça. Dernière chose, et si les chiens avaient été pucés, Serge aurait eu des chances de les retrouver ou toujours pas? Ah oui, il aurait eu une très très bonne chance de les retrouver parce que le numéro est normalement renseigné chez le vétérinaire et je pense bien également à la police. Donc là, ça aurait été quand même un peu plus facile de les retrouver. Ah, les voleurs sont venus, par hasard ou pas, au meilleur des moments ou au pire des moments, c'est-à-dire à quelques jours du vaccin et du puçage qui devait se dérouler mercredi, c'est-à-dire dans 48 heures, enfin, ou dans 3 jours si on compte le lundi avec. Merci de nous avoir rejoints, Steve, la prédiction est pessimiste. Nous sommes à Anderlecht maintenant. Soufiane, bonjour. Bonjour. Vous êtes marocain de nationalité ou marocain d'origine ? Je suis marocain d'origine, mais j'ai la nationalité belge. L'appel de Mohamed VI aux Marocains hors Maroc, donc ça vous vise. Préserver notre bonne réputation, tout musulman doit contrecarrer le fanatisme. Vous avez pris ça comme un rappel à l'ordre ? Non, pas du tout. Moi, je pense plutôt que j'ai pris ça comme une manière à Mohamed VI d'avoir un contact avec son peuple, dans le sens où on n'avait pas encore eu de contact de la part de Mohamed VI ou alors d'une grande instance musulmane. Pour montrer un petit peu, non pas qu'aux Marocains, mais aussi à tous les autres peuples, que bon, on n'est pas du tout d'accord avec ce qui se passe. Alors attendez, c'est un message aux Marocains ou c'est un message au reste du monde, en fait ? C'est un message, c'est une pierre deux coups. Hein. C'est un message aux Marocains pour nous indiquer que bon, on n'est pas seul. Moi et ma famille, par exemple, pensent quelque chose. On pense que le djihadisme, etc., ce n'est pas bien. C'est pas une bonne chose, les terroristes, etc., ce n'est pas bien. Et justement, ça permet justement à Mohamed VI de nous indiquer ça et en même temps d'indiquer au peuple que le Maroc n'est pas du tout, et même l'islam en soi, ne représente pas du tout ces gens, quoi. Est-ce que pour ceux qui n'avaient peut-être pas le même positionnement que vous, est-ce que cet appel de Mohamed VI peut avoir une force telle qu'il remettra les brebis égarées sur le droit chemin ? Ouais, moi je pense que ouais. Mohamed VI a une prestance, Mohamed VI c'est le grand roi du Maroc, c'est vraiment l'une des images, l'une des grandes images du monde musulman. Je pense que ça va avoir de l'impact. Quand il demande aux musulmans marocains d'être en première ligne dans les défenseurs de la paix dans leur pays de résidence respectif, il vise quelqu'un en particulier ou ça s'adresse vraiment à tout le monde ? Non, je pense que ça s'adresse à tout le monde. Imaginez simplement que... donc là, j'ai lu un texte sur France 24 pour reprendre exactement les mots du roi qui indique les musulmans, les juifs, les chrétiens ainsi que toute autre personne à ne pas prendre part au projet de ces personnes. C'est réellement que tout le monde soit main dans la main, qu'on puisse au moins regarder nos voisins sans avoir peur. Et que nos voisins puissent nous regarder sans avoir peur. Il y avait une main tendue, hein, parce qu'il a effectivement parlé à tous les musulmans, tous les chrétiens et tous les juifs, leur demandant de dresser un front commun pour contrecarrer le fanatisme. Fin de citation. Merci Soufiane à Anderlecht. Cet appel, vous l'attendiez donc. On verra si on peut aller plus loin dans cette conversation-là tout à l'heure avec les Marocains de Belgique et les non-Marocains de Belgique. Une pause et puis nous sommes à Etterbeek. Elisabeth, qui connaît bien les scouts puisqu'elle est chef d'unité, viendra nous dire comment on a pu laisser des camps dégénérer à ce point-là à Lierneux. Je paie moins cher, tu paies moins cher, il paie moins cher. À la rentrée, les bonnes affaires se conjuguent chez Cora. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Vivacité à Esneux. En toute complicité. Sur 90.5 FM. Vivacité et le Play-In 2016 présentent les Jeux Olympiques, un spectacle musical inédit. Avec un orchestre de 120 jeunes et athlétiques musiciens. Le samedi 27 août à 20h30 à la salle Oberbayern de Wem. Renseignements et réservations sur playin.be ou au 080 67 81 93. Vous aussi, vous appréciez de souffler en fin de journée ? Exactement, et on va vous offrir des cadeaux. Un peu d'actu et beaucoup de bonne humeur. Avec des bons conseils, l'occasion. Le 5 à 7 de Vivacité, ma pause. Ah, vent de rentrée. Avec Cyril. Au 070-233-466, dites la vérité à Serge. Vendredi, cet habitant de Flénu s'est fait voler 6 bébés. Chihuahua, il lance un avis de recherche. Est-ce qu'il a une chance de revoir les chiens, Marion, à ce propos ? Eh bien, à ce propos, pour Bernard de Timister, non, Serge n'a aucune chance de revoir ses chiens. Bernard est un peu énervé quand il entend qu'on s'apitoie sur le sort de Serge, parce que si Serge élève des chihuahuas, eh bien, c'est sûrement parce qu'il a un but lucratif derrière, explique Bernard. Donc 5000 euros le chien, c'est pour se faire de l'argent. Les voleurs ont eux aussi été motivés par les mêmes raisons, se faire de l'argent. Serge n'a qu'à utiliser son assurance pour son élevage, c'est ce que Bernard lui répond. Vous entrez dans la conversation et vous dites quel sujet vous préoccupe. En fonction de vos appels, un débat s'impose dans la deuxième partie. Etorbeck, c'est vous qui le dites, Etorbeck. Elisabeth, bonjour. Bonjour. Quel âge avez-vous ? J'ai 26 ans. Et vous êtes chef d'unité à Gansoren. Je vous demande de nous expliquer ce qui s'est passé à Lierneux. Six camps scouts ont fait des dégâts. La police a dû venir, revenir. Le bourgmestre a même hésité à mettre tout le monde dehors. On a retrouvé des canettes dans les bois, par exemple. C'est normal ? Alors, c'est pas normal du tout. Maintenant, pour avoir fait plusieurs mouvements et plusieurs unités, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est plutôt courant. Pas partout. Dans des grosses unités surtout, enfin il me semble, dans des petites unités sûrement aussi, mais pour celles que j'ai rencontrées, c'était des grosses unités. Là, apparemment, il y avait des camps à 100, 130, 140 jeunes. Ça veut dire que les animateurs, là, sont forcément dépassés ? Pas forcément dépassés, je pense que les animateurs sont parfois de temps aussi. Maintenant, ils n'ont pas toujours... Ils rentrent dans le camp scout en se disant « on va rentrer dans un autre monde, on va faire un truc génial, on va vivre une aventure ». Et ils ne disent pas toujours que les règles de politesse et de bienséance qu'on vit dans la vie de tous les jours... Bah, elles doivent être appliquées à ce moment-là aussi. Donc y compris pour le vol. Quand ils vont en expédition voler des panneaux de signalisation, c'est parce qu'ils sont hors monde, hors loi. Oui, dans leur tête, je pense que oui. Vraiment, parce qu'il y a des choses, par exemple, pour avoir vécu donc, cette année un camp, on nous a dit, quand on a loué l'endroit de camp, voilà, l'année passée, les jeunes ont tellement déconné, tellement exagéré, que les voisins sont vraiment très très réticents. D'ailleurs, si vous faites du bruit après 22h, ben, le voisin d'à côté risque de vous tirer dessus à la carabine. Et puis, on gratte un peu, donc on passe tout le camp, on fait vraiment ce qu'il faut, parce que, en tout cas, chez nous, on essaye de faire ça bien. Et on apprend à la fin du camp qu'en fait, ils avaient crié dans le jardin jusqu'à 4h du matin, qu'ils avaient hurlé, que le voisin était venu plusieurs fois discuter avec eux en demandant le silence, en demandant de dormir, etc., puisque le lendemain, ils travaillaient. Et les jeunes lui ont répondu, excusez-moi du vocabulaire, mais ta gueule, nous, on part demain, de toute façon, tu peux rien nous faire. Et là, à 4h du matin, ils ont tiré avec sa carabine. Ah bah et alors, tiré dans le champ. Sur des problèmes précis, de type ta gueule, de type Lierneux, pourquoi des animateurs laissent les choses déraper à ce point-là ? Parce que ce sont souvent les animateurs qui sont responsables dans ce cas-là. C'est pas les enfants qui vont courir partout. Les scouts sont déjà... Enfin, les scouts ou les éclaireurs ou les guides, enfin, peu importe comment on les appelle, les guides d'aventure, sont déjà presque en âge d'être animateurs. Ils iront aux horizons l'année d'après et ils sont souvent dans les camps en tant qu'animateurs l'année suivante. Mais donc vous, bourgmestre à Lierneux, vous les mettiez dehors, vous. Vous leur disiez quittez le territoire de la commune. Mais je pense que le bourgmestre à Lierneux et même les fédérations guides et scouts, quand on entend les messages qu'on a avant les camps, diraient toutes oui en dehors de la commune. Parce que si un camp dégénère à ce point-là, c'est un camp qui n'est pas maîtrisé. Ça veut dire que la sécurité des enfants n'est pas gérée non plus. Ah ben il y a des enfants, des jeunes qui ont été laissés un peu là à l'abandon dans certaines entités de la commune. Et il y a le bourgmestre qui a voulu, puis qui s'est dit si moi je mets tout le monde dehors, c'est peut-être même encore plus dangereux pour les enfants. Je vous dispense de cette réponse-là, Elisabeth, on ira peut-être plus loin tout à l'heure. Merci pour le récit de l'animatrice et chef d'unité que vous êtes à Gansoren. Waterloo maintenant, Nadia en ligne, bonjour. Bonjour. Vous me confirmez que vous êtes marocaine, Nadia ? J'ai les deux nationalités. Je suis d'origine marocaine et j'ai la nationalité belge. Ah, donc, alors expliquez-nous. L'appel de Mohamed VI aux Marocains hors Maroc vous vise donc préserver notre bonne réputation. Tout musulman doit contrecarrer le fanatisme. Non, non, non, le meurtre d'innocents n'est pas admis. Le meurtre d'un prêtre dans l'enceinte d'une église est une folie impardonnable. Fin de citation. C'est un rappel à l'ordre ? C'est un rappel à l'ordre en tout cas, c'est un rappel de ce qu'un être humain, musulman ou pas, doit faire, et il était temps qu'il le dise, parce qu'on constate qu'il y a quand même une montée de fanatisme, même au Maroc, qui était avant un pays qui, je ne vais pas dire laïque, mais où l'islam n'avait pas autant de place, enfin l'islam fanatique n'avait pas autant de place que maintenant. Mais donc il y avait un besoin, c'est ça que vous me dites, cet appel de Mohamed VI était attendu. Attendu, je ne sais pas si la population l'attendait, mais en tout cas le roi Mohamed VI devait le faire, parce qu'il faut savoir qu'au Maroc, la relation roi-peuple... C'est un peu la relation d'un père avec ses enfants, un père autocratique même vis-à-vis de ses enfants. Et le peuple écoute le roi malgré tout, même si il y en a qui se plaignent du roi, il y en a qui pourraient dire que c'est un... c'est pas un pays démocratique, le roi n'a jamais été quelqu'un de démocrate, comme je l'ai dit, c'est un père autocratique, mais sa parole a de la puissance au Maroc. Est-ce que sa parole, mais là le message est pour les populations hors Maroc, est-ce que sa parole aura impact sur des jeunes marocains dérivant vers le djihadisme, vers l'islamisme, est-ce que sa parole aura un impact ? Mais je ne sais pas si en dehors du Maroc, elle aura un impact, mais je pense qu'au Maroc, elle aura un impact. Parce que quand le roi du Maroc dit une parole ainsi, en tout cas au Maroc, c'est aussi, il y a ce qui est entre les lignes. C'est que si vous ne le faites pas, faites gaffe à vous. N'oubliez pas que, comme vous l'aviez dit tout à l'heure... Mais vous avez vu que ce n'était pas un appel aux Marocains, hein, c'est un appel à la diaspora, donc à tous les Marocains qui sont hors Maroc. Ce n'est pas un appel interne, c'est un appel externe. Mais les les Marocains en tout cas, les Marocains à l'intérieur du Maroc ou en dehors du Maroc, c'est pareil. Parce que si les Marocains en dehors du Maroc n'écoutent pas ça, ils n'ont pas intérêt en tout cas à retourner au Maroc. Le service secret marocain est très très très très puissant et s'ils se mettent en route et si quelqu'un ne respecte pas ce que le roi Mohamed VI a dit... Ça fera partie des enjeux de la deuxième partie si le débat s'impose alors en India. En cas de non-respect de la parole de Mohamed VI, quelles sanctions légales, quelles sanctions pénales ou quelles sanctions morales tout simplement. Une pause et on se retrouve après les infos de 10h pour le débat que vous avez choisi. Les émissions, l'info, les animateurs, la météo, les résultats sportifs, les concours, les coulisses, des blogs exclusifs, l'écoute en direct ou quand vous le voulez. Vivacité.be, c'est tout Vivacité et encore plus dans votre PC. Merci et bravo à tous les athlètes et médaillés du Team Belgium. Vous nous avez fait rêver sur la 2, Vivacité et RTBF Ovio. Ce dont on a le plus besoin au réveil, c'est de vivacité. Alors, demain matin dès 4h30, Bernard Dewey vous réveille avec vivacité. Il est 10h sur Viva. Et on s'informe avec Nathalie Servet. Nathalie, bonjour. Bonjour à tous. On l'a appris il y a une demi-heure, la légende belge du jazz, le vieil homme à l'harmonica, Toots Thielemans, est mort ce matin à l'âge de 94 ans. Toots était né le 29 avril 1922 dans les Marolles, à Bruxelles. Il a découvert l'harmonica en 1938. En 1952, il part aux États-Unis où sa carrière démarre vraiment aux côtés du virtuose du saxophone Charlie Parker. 10 ans plus tard, il compose Bluesette, le morceau auquel il doit en grande partie sa renommée internationale. Je vous propose de réentendre Toots Thielemans. Il explique comment il a composé ce morceau. J'avais joué avec Stéphane Grappelli à l'auditoire chanson. Je partageais la loge de Stéphane et j'accorde la guitare et les accords de Bluesette sortent. Et je l'écris très vite, pas encore de cassette à ce moment-là, ni de digital, rien du tout, hein, il y a 40 ans, 42. Et j'écris vite un bout de papier comme ça, bleuet, je l'appelais le bleuet. Hein, la fleur d'été dans les champs, la fleur bleue. Toots Thielemans et son morceau le plus célèbre, Bluesette. La carrière de Toots Thielemans ne s'est pas arrêtée. Là, il a joué de l'harmonica avec les plus grands jazzmen comme Frank Sinatra ou Ray Charles. En 2009, il a reçu la plus grande distinction pour un jazzmen américain, le Jazz Master Award. En 2014, il a mis fin à sa carrière. Il est donc mort ce matin à l'âge de 94 ans. Déjà 6000 signalements de fraude sociale reçus au point contact créé il y a moins d'un an. Les principaux signalements concernent le travail au noir et la fraude au domicile. Les deux tiers des faits dénoncés se sont avérés fondés après enquête. Le secrétaire d'État à la lutte contre la fraude sociale, Philippe de Backer, parle d'un succès. Selon lui, de plus en plus de personnes en ont assez de la fraude sociale. Il souhaite à présent que les administrations communales et les CPAS puissent également utiliser le point contact. Les nuits d'été et les week-ends sont meurtrières sur les routes wallonnes. Les accidents avec un seul conducteur impliqué explosent, surtout sur les routes de campagne. Entre 2005 et 2013, plus de la moitié des victimes sont mortes dans des accidents en milieu rural. C'est en province de Namur et de Luxembourg que ces accidents mortels sont les plus nombreux. En cause, la vitesse, les contrôles d'alcoolémie moins nombreux et la topographie vallonnée des routes du sud du pays. L'âge moyen des tués les nuits de week-end en Wallonie est de 31 ans. Ce sont les chiffres publiés par l'agence Wallonne pour la sécurité routière et qu'on retrouve ce matin dans les journaux du groupe Sud Presse et dans le journal Le Soir. L'imam radical de Dizon, sa femme et leur fils interpellés hier à leur retour de vacances. Il y a 15 jours, le fils avait fait parler de lui en diffusant une vidéo dans laquelle il appelait à tuer des chrétiens. L'adolescent devrait être entendu aujourd'hui par un juge de la jeunesse. Quant à son père, il fait toujours l'objet d'un arrêté d'expulsion. Les Jeux Olympiques de Rio, c'est terminé. Après 16 jours de compétition et 306 titres distribués, les Jeux ont été clôturés cette nuit. Le drapeau olympique a été remis à Tokyo, hôte des prochains Jeux en 2020. Côté météo, le ciel sera encore très nuageux ce matin avec quelques pluies ou bruines, principalement sur le nord du pays. Le soleil fera son retour dans l'après-midi depuis la France et dès demain, le temps sera estival et ensoleillé. Les températures aujourd'hui seront comprises entre 19 et 24 degrés. On fait un point RTBF Mobile Info. Et c'est la fin des accidents sur le ring de la capitale, mais pas la fin des ralentissements. Circulation intérieure, on perd toujours 20 minutes entre Ytre et Grand Bigard. 10 minutes de plus à notre écoute entre Haut-Ytre et le carrefour Léonard en circulation extérieure. Si vous venez de l'E411 et que vous comptez rejoindre Bruxelles, vous ralentissez à partir d'Overace, ajoutez 15 minutes. Ralentissement également sur l'E40 en provenance de Gand, ajoutez là une dizaine de minutes supplémentaires. Et puis dans Bruxelles, ça ralentit dans le tunnel Léopold II vers le midi et dans la liaison du tunnel Stéphanie vers la Basilique. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et tout de suite, la deuxième partie de C'est vous qui dites avec Benjamin Maréchal. Et ben voilà, retour des bonnes habitudes. Nathalie Servet pour l'info, la rédac qui revient à 11h. Et nous sommes effectivement en direct pour 2 heures de dialogue. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. À 10h45, rendez-vous avec la question qui dérange. Après l'agression d'un médecin de forêt la semaine dernière, l'Ordre des médecins a décidé que parmi les solutions, il serait bon d'envisager une liste noire des patients envisagés et identifiés comme violents. Si on établit une liste noire des patients dits violents, est-ce que ça veut dire que ces patients-là ne seront plus soignés? Est-ce que ça veut dire qu'on ne vous soignera plus si la police a une fois dû intervenir dans un problème de violence conjugale? Est-ce que ça veut dire qu'avec un casier judiciaire, on ne vous soignera plus? Il y a dans ce dossier toute une série de points d'interrogation. Un dossier qui a donc démarré la semaine dernière à Forêt avec l'agression d'un médecin. Et quelle force et quelle violence, puisque l'homme déséquilibré mental a frappé de 10 coups de couteau ce médecin qui lutte toujours contre la mort à l'hôpital. Dans ce dossier, Mélanie Joris, vous cherchez une piste. À ce stade, avez-vous une voie potentielle? Oui, j'ai plusieurs voies, plusieurs pistes. On pourrait aller voir du côté du Conseil de l'Ordre, évidemment, mais aussi du côté des syndicats de médecins généralistes. Je pense notamment au GBO, le groupement belge des omnipraticiens, qui est le syndicat le plus important de médecins généralistes francophones. C'est le principe. Pendant que vous cherchez le bon interlocuteur, puisqu'on identifie la question qui dérange chaque matin, vous pouvez amener votre éclairage auprès du standard, Marion. Et le problème pour Léon de Modave, c'est que les patients signalés comme violents n'auront plus droit au respect de la vie privée et au secret professionnel, parce que si à chaque fois que ces personnes doivent se rendre chez un médecin, elles doivent être accompagnées d'un agent de sécurité, eh bien, cet agent sera témoin de tout ce qui se dit entre le patient et le médecin. C'est donc un non-respect des droits fondamentaux des droits de l'homme, estime Léon de Modave. La violence n'excuse pas le non-respect de la vie privée. Après l'agression d'un médecin de forêt, l'Ordre des médecins veut une liste noire des patients identifiés comme violents. Est-ce que ça veut dire qu'on ne soignera plus ceux et celles qui ont déjà eu affaire à la police? Rendez-vous à 10h45. À 9h, il y avait 3 débats sur la table. D'abord à Lierneux, 6 camps scouts ont fait des dégâts. Canettes dans les bois, vols, nuisances sonores, des petits délaissés. Pourquoi les animateurs ont laissé les choses déraper à ce point-là? L'appel de Mohamed VI aux Marocains hors Maroc, préserver notre bonne réputation. Est-ce que c'est un rappel à l'ordre de la part de Mohamed VI? Et puis dites la vérité à Serge. Vendredi, cet habitant de Flénu s'est fait voler 6 bébés chihuahua. Il lance un avis de recherche déjà partagé sur Facebook 37 000 fois. Mais est-ce qu'il a une chance de revoir les animaux? Dites-lui la vérité. 3 débats Marion au 070-233-466. Et vous avez choisi d'aller plus loin dans le débat sur le dérapage des scouts dans la commune de Lierneux. 6 camps scouts ont fait des dégâts. Pourquoi les animateurs ont-ils laissé les choses déraper? dérapé à ce point-là? C'est la question que l'on vous pose ce matin dans C'est vous qui dites. C'est en quelque sorte le bilan de l'été. La commune de Lierneux est une terre de camps, 52 camps sur l'ensemble de l'été, mais avec des groupes qui montaient parfois à 145 personnes. Eh bien, on apprend ce matin dans l'avenir que le bourgmestre et la police ont eu fort à faire. 15 plaintes officielles, sans compter les riverains qui ont dû régler le contentieux directement sur le camp. Et dans les problèmes auxquels la police a été confrontée, on cite sono à fond, des palettes d'alcool, des canettes abandonnées, des tentes dans des endroits interdits, des vols, puisqu'à Villette, les animateurs ont volé 5 panneaux de signalisation avec les risques qu'on imagine pour la sécurité routière. Dans une autre commune de l'entité, le bourgmestre dénonce le peu d'encadrement, puisque des riverains ont vu des jeunes qui étaient laissés à l'écart pendant que les animateurs faisaient la fête. Les jeunes étaient donc là sans surveillance. Le bourgmestre pouvait exclure ces unités du territoire. Il a préféré s'abstenir tant les groupes étaient parfois nombreux. À ce propos, voilà ce qu'on a entendu dans la première partie. Ils partent en voiture la nuit, faire des attaques, comme ils appellent ça, dans les autres camps scouts, en laissant les gamines toutes seules, qui étaient dans les endroits non chauffés parce qu'eux avaient pris les endroits chauffés. Donc ça peut correspondre à ce qui s'est passé à Lierneux, où des riverains disent avoir vu des jeunes qui étaient délaissés par les animateurs. Ah oui, absolument. Alors bon, on a retrouvé du vomi, des joints, enfin des restes de joints. À Lierneux, les camps étaient parfois composés de 130 jeunes, c'est trop ? Non, c'est beaucoup trop. Lierneux, on appelle ça l'Ardenne liégeoise en quelque sorte. C'est la question pour vous ce matin, parce que vous avez souhaité en masse cette conversation. Merci d'être revenu dans la première de C'est vous qui le dites. Lierneux, 6 camps scouts ont fait des dégâts. Canettes dans les bois, vol, nuisances sonores, petits délaissés. La question pour vous donc, pourquoi les animateurs ont-ils laissé les choses dégénérer à ce point-là ? 070 233 466 par SMS au 3063. Et dans un instant, avisé, Emmanuel, qui a 3 enfants qui connaissent les mouvements de jeunesse, nous dira pourquoi les animateurs n'étaient pas à la hauteur. C'est vous qui le dites. Voltaren est un médicament au diclofénac. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice. Aujourd'hui, on va travailler les genoux. On met sa casquette, on prend les boules et, pour bien viser, faut s'accroupir et on insiste sur les genoux. Ou bien on pointe ou bien on tire. Allez, on se relève, on va récupérer le cochonnet. Retrouvez le plaisir de bouger grâce à Voltaren et Mulgel Forte contre les inflammations douloureuses de vos articulations. Une seule application toutes les 12 heures. Soulage votre douleur durablement. Un PC très lent, ça rend très vite fou. Profitez donc vite de nos super deals sur le plus grand assortiment de PC portables, de convertibles, de tours, de tablettes et plus encore. Et c'est uniquement maintenant jusqu'au 30 août inclus dans nos magasins et sur MediaMarkt.be. MediaMarkt, j'en suis pas fou. Sprite. Du pur rafraîchissement et puis c'est tout. Sprite, born to refresh. Vivacité Tour des sites organisation présente 800 reflets, un spectacle son et lumière en vidéo mapping qui retrace 800 ans d'histoire à l'abbaye du Val-Dieu. Rendez-vous chaque soir du 29 juillet au 28 août à l'abbaye pour découvrir ce récit fantastique. Spectacle gratuit. Info tourdesites.be. Avec les fromages, les bières et le cidre de Val-Dieu, l'avenir, Télépro, la Loterie Nationale et le CGT. Delta Construction, spécialisée dans la réalisation de maisons unifamiliales sur mesure, vous invite à découvrir une maison basse énergie à Villers-le-Bouillet, rue de Beaudonnier, le week-end du 27 au 28 août de 13 à 18 h. Plus d'infos, delta-construction.be. Delta Construction, votre maison comme vous l'imaginez. Vous appréciez le talent ? Écoutez-le sur Vivacité. Ce 22 août, l'école de coiffure et bioesthétique Peter rouvrira ses portes. Découvrez les sections coiffure, esthétique, aide familiale, gestion et animateur, mais aussi les 7e artistique, patron coiffeur, gestionnaire de salon de beauté et aide-soignante. Inscription du lundi au vendredi de 9 à 16 h. Renseignements 31 rue du Peter, 04 343 92 91 ou sur www.peter.be. Jusqu'à 11h, c'est vous qui faites avancer le débat. 070 233 466. Et vous avez donc choisi une conversation ce matin sur le bilan de l'été à Lierneux, où les camps scouts ont été très nombreux, plus d'une cinquantaine de camps, et il y en a 6 qui ont monopolisé l'attention, tant la police a dû venir et revenir. Et à la fin de l'été, eh bien, le bourgmestre a été confronté à canettes dans les bois, ce qui veut dire une forme de dégradation environnementale, des vols, des nuisances sonores, la sono, il a fallu intervenir à maintes reprises, des petits qui étaient parfois laissés à l'écart, d'après les observateurs. Il y a ce qui est enregistré comme plainte officielle, 15 plaintes officielles, et puis il y a tous ces moments où les riverains ont dû venir et demander aux jeunes de s'arrêter. Visiblement, les animateurs n'ont pas été à la hauteur. C'est la question donc ce matin. Pourquoi des animateurs laissent les choses déraper à ce point-là? Et on pourrait également se prononcer sur l'attitude du bourgmestre qui aurait pu, c'était dans son arsenal, qui aurait pu simplement mettre fin au camp en demandant aux scouts de quitter le territoire. Il ne l'a pas fait. Peut-être face au nombre de jeunes qui étaient là, et parce que les animateurs, s'ils étaient responsables, étaient avec des jeunes qui, eux, n'avaient aucune responsabilité dans les dérives. 070-233-466 par SMS au 3063. Comme d'habitude, vos appels, vous pouvez jeter un œil sur la page Facebook si vous le souhaitez, et tout le dispositif, toute l'équipe est à votre disposition entre 9h et 11h sur la Une Télé et sur Viva. Visez nous appelle. Emmanuel, bonjour. Bonjour Benjamin. Quelle expérience des scouts avez-vous, vous qui avez 3 enfants? Ils sont tous dans un mouvement de jeunesse? Ils ont commencé l'année dernière, donc la saison dernière, au mois de septembre. Oui, tout à fait. Je voudrais votre avis sur ce qui se passe dans un coin de Lierneux. Voilà que des riverains voient que les jeunes sont à l'écart pendant que les animateurs font la fête. Acceptable? Non, tout à fait inacceptable. Mais, enfin, voilà, mon point de vue, donc, en tant qu'ancien membre de mouvement de jeunesse animé et animateur, et maintenant en tant que parent, dans une unité tout à fait différente dans laquelle j'ai fait mes années scouts, je veux dire, les dérives viennent parfois du fait que les animateurs, qui sont parfois très jeunes, ont un manque d'encadrement de la part d'adultes. C'est-à-dire que voilà, j'ai fait aussi des bêtises en tant qu'animateur, je ne jette la pierre à personne, mais nous avions toujours, je vais dire, des responsables logistiques, la tendance, des responsables d'unité qui étaient là, qui vérifiaient si tout. Attendez, avant l'encadrement, l'animateur, pour vous, puisqu'il peut faire des bêtises, il peut aller jusqu'où? Puisque vous acceptez une part de bêtises, ça fait partie du jeu, ça fait partie du moment. Il peut aller jusqu'où, l'animateur? Non, ce que je veux dire, c'est pas qu'il peut faire des bêtises, c'est que parfois, vu le manque de maturité, bon, moi je suis passé animateur à 18 ans, 17 ans, bon, parfois, nous étions pas tout à fait responsabilisés, et ce n'est qu'en acquérant une certaine expérience et en ayant surtout un encadrement que la maturité est venue. Donc, et il y a parfois certaines unités où l'encadrement adulte est franchement lacunaire. Attendez, on peut comprendre le manque de maturité quand on est jeune, mais ici il y a un enchaînement de faits. Il y a vol de panneaux, il y a nuisance sonore, il y a tentes installées dans des endroits inadéquats, il y a jeunes délaissés, il y a pollution environnementale. C'est une longue liste quand même. Ah oui, tout à fait. Tout pour à un fait, manque de maturité. Oui, ce qui ne m'est jamais arrivé. Jamais. Et ce qui n'est jamais arrivé à mes enfants, vu qu'ils sont dans une unité maintenant, où l'encadrement est vraiment, vraiment, je vais dire, hors norme. Ils sont vraiment très, très bien encadrés. Donc il y a des animateurs qui sont très jeunes, des animateurs, je vais dire, un peu plus, je vais dire, de mon âge, dans la... des quadragénaires, on va dire. Et puis alors, il y a toute une équipe de parents qui chapeautent un peu, qui viennent donner un coup de main sur leur temps libre au niveau de la tendance. Donc, Emmanuel, s'il y avait eu des cadras dans ces camps, il n'y aurait pas eu l'image qui est dans mon dos, si vous me regardez sur la Une Télé, c'est-à-dire un bois rempli de canettes autour des arbres. S'il y avait eu des cadras, on n'aurait pas vu ces canettes dans les arbres. En tout cas, je veux dire, moi personnellement, ayant été responsabilisé par la plupart du temps des gens qui étaient, je veux dire, plus âgés que moi, ça m'a permis de transmettre un peu cette éthique aux jeunes dont je m'occupais. Mais donc, ça veut dire des cadras, parce qu'il faut à un moment définir ces adultes. C'est des cadras. Il faut des cadras dans les camps, sinon ça ne marche pas. Je prends cadras parce que c'est mon cas, en tout cas, voilà. Maintenant, je connais des personnes même plus âgées et qui chapeautent toujours un peu, qui ont toujours un rôle prépondérant dans l'unité, trésorier, intendant, et ça, bon, ben voilà, ça aide souvent. Ah ben voilà. Visiblement, ici, il y a eu des expéditions, 100 cadras, 100 trentenaires ou 101 cas, puisqu'à un moment, ils sont partis voler des panneaux qui étaient très importants pour la sécurité routière. Emmanuel a visé, vous nous expliquez, ces dérapages d'animateurs par une forme d'immaturité. Mais là, il y a eu beaucoup de choses quand même, hein, dans ces camps de Lierneux. On va demander un avis à Rochefort. Dany, bonjour. Bonjour Benjamin. Maintenant que vous avez entendu les faits, mettez-vous dans la peau du bourgmestre. Vous êtes là face à des groupes de 100, 130, 140 personnes. Vous les excluez du territoire, ces scouts, ou vous les laissez ? Non, non, je les exclus immédiatement. Ce n'est pas à faire. Mais vous les excluez, mais là-dedans, il y a des jeunes. Ils sont 100, oui. 120, 130. Oui, je comprends. Mais quand on a du bois des verts, c'est normal qu'on va à la catastrophe. Mais quand ce sont des jeunes qui ont bu 2-3 verres, là, on ne sait plus où ça peut s'arrêter. C'est pour ça que l'on voit les dégradations après ce qui se passe. Et je crois que les bourgmestres de ces communes doivent prendre des initiatives à propos de ce genre de comportement. Mais alors soyons de bon compte, et puis je repose la question, Dany. Donc ces jeunes s'installent sur des terrains, parfois payent un sou à un propriétaire qui arrondit ses fins de mois ou qui se fait un petit peu d'argent l'été. Il y a tout un enjeu économique. Et puis il y a les magasins du coin qui vendent un peu de marchandises. Donc je vous repose la question. Vous, bourgmestre, vous devez arbitrer avec ça et l'apport économique. Vous les mettez dehors ou vous les mettez pas dehors? Oui, c'est une question à deux solutions. Les apports économiques sont bien là, mais on ne peut pas se permettre de voir ce genre de choses à des dégradations qu'ils peuvent commettre. Pour une petite sono dans un champ qui va trop fort et une police qui vient se plaindre de la sono, vous mettez fin au camp ? Mais c'est-à-dire que je sais qu'on ne peut pas faire d'amalgame, il y a des scouts qui se comportent très bien, mais quand je vois ce qui se passe, quand ils sortent avec leur caddie des grandes surfaces, ben je dis là, ils vont au drame. Mais qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous voyez à la sortie des grandes surfaces ? Vous voyez des scouts avec des caddies et ils ont acheté quoi ? Des bacs de bière à ne plus aller voir derrière leur caddie tellement elles sont remplies. Et des victuailles, il y en a, mais très peu, très peu. C'est jamais que des boissons. Vous l'avez vu de vos yeux vus ou vous supputez ? Ah non, non, non, je les ai vus, je les ai réellement vus, absolument. Ils avaient quel âge ? Oh, on va dire 16-17 ans. 16-17 ans et des caddies à la bière. Je vous dis ce qu'on a croisé dans le dossier qui nous occupe à Lierneux. On a croisé des canettes dans les bois et d'alcool, et on a vu des palettes d'alcool. On ne dit pas des packs de bière, on dit des palettes d'alcool, ce qui sous-entend là des quantités importantes. Merci Dany pour ce constat de terrain. Nous allons à Lierneux maintenant. Adelin, bonjour. Oui, bonjour. Eh ben, vous êtes dans la zone. Est-ce que vous avez, vous, accueilli des camps scouts sur un de vos terrains ? Pas sur un de mes terrains, mais ils étaient à proximité. Et un jour, j'ai constaté qu'ils m'avaient volé du bois et qu'ils étaient rentrés dans ma parcelle pour chier. Chez moi. Chez vous ? Oui. Qui ? Vous les avez vus ? Vous avez repéré après ? Il y avait flagrant délit ? Après, j'ai vu les dégâts après. J'ai vu que du bois avait disparu. J'ai vu qu'ils avaient essayé de faire un feu plus loin. Et j'ai appris après en me renseignant que c'était les scouts qui étaient présents dans le village. C'était la première fois que ça vous arrivait ? Oui, oui, oui. C'est jamais arrivé, ça. Donc est-ce qu'on peut refaire pour voir la gravité ? Est-ce qu'on peut refaire l'inventaire des dégâts sur votre terrain alors que vous n'êtes pas propriétaire de terrain que vous mettez en location ? Donc inventaire des dégâts chez vous ? Alors ils ont déféqué à nombreuses reprises sur ma parcelle en laissant du papier. Et ils ont volé du bois, l'équivalent d'une stère ou d'une demi-stère de bois. C'est grave ou c'est pas grave ? Oui, c'est grave, c'est du bois que j'ai coupé, qu'il a fallu travailler pour le faire, pour le ramener. C'est énormément de travail, donc... Vous chiffrez ce vol à combien d'euros ? Et même question de la gravité sur ces jeunes qui ont déféqué, puisque c'est en quelque sorte naturel dans un milieu naturel. Donc d'abord, chiffrez-moi le vol en bois. Le vol en bois, bon, en euros, je dirais, bon, 80 euros. Mais le problème de déféquer, je suis d'accord avec vous, c'est naturel, mais alors on enterre, on fait un trou, on fait et on referme. Là, c'était pas le cas, c'était à l'air libre. Vous êtes allé les voir, ces scouts ? Oui, oui, j'ai été les trouver, enfin, leur chef dans leur camp, oui. Vous avez dit quoi ? J'ai exigé qu'ils ramassent leurs déchets et qu'ils remettent le bois, parce qu'ils avaient essayé de faire un tas de bois qui n'a pas brûlé. J'ai exigé qu'ils le remettent et qu'ils me dédommagent aussi. Ils l'ont fait ? Oui. Et ils l'ont fait de bonne grâce ou ils l'ont fait en traînant des pieds ? Non, de bonne grâce, le chef était assez compréhensif, ils sont excusés. Ça s'est assez bien passé quand j'ai parlé au chef. Les chefs de cette unité, ils avaient quel âge ? Oh, 25 ans. Vous les avez sentis matures ou un peu limite ? Non, matures. Il fallait les exclure, tous ces scouts-là, donc ceux qui sont venus chez vous et ceux qui sont passés ailleurs ? Je crois, oui, parce que j'ai aussi des voisins qui se plaignent de beaucoup de bruit toute la nuit. Oui, je pense qu'il fallait marquer le coup et montrer un peu d'autorité et le mettre dehors. Je retiens que vous êtes une des victimes de l'hierneux. Ce qui s'est passé là peut se passer évidemment ailleurs en Wallonie. Hein. Si vous êtes ailleurs sur le territoire et que vous avez croisé les camps scouts, venez nous dire pourquoi les animateurs laissent les choses déraper à ce point et pourquoi des jeunes vont déféquer sur des terrains où ils ne sont pas censés loger. On marque une pause et dans un instant, au standard, cette conversation sur l'opportunité d'exclure ces jeunes. Il fallait les mettre hors du territoire, dites-vous. Génial, le parc du Montmauzan. Les spectacles d'otaries, de perroquets, le mini-zoo, les attractions, le mini-golf, la plaine de jeux. Mes parents aussi ont adoré. D'ailleurs, ils m'ont promis qu'on y retournerait. Une journée toujours inoubliable au Montmauzan, plaine de la Sarthe à Huy. Surfez sur montmauzan.be. Parc le Montmauzan, une montagne d'amusement. Vivacité à viser en toute complicité sur 90.5 FM. Nouvelle Fiat Tipo 5 portes à partir de 13 200 €, 4 ans de garantie inclus. Il en faut peu pour recevoir beaucoup. À découvrir spécialement aux établissements Constant. Constant Liège et Constant Warem, la passion du service. Et au 070-233-466, Marion, visiblement, beaucoup auraient aimé que le bourgmestre dise « Stop, les scouts, dehors, vous allez trop loin ». Ça, beaucoup ne comprennent pas pourquoi le bourgmestre n'a pas exclu les scouts. Alors Marguerite de Chastre trouve qu'il aurait dû le faire parce que même si ce n'est qu'une dizaine de fauteurs de troubles, eh bien, il fallait renvoyer les 100 jeunes. Au moins, ça leur aurait appris une bonne leçon. Thierry de Lavaux-Sainte-Anne, pour lui, il explique que si le bourgmestre n'a pas expulsé les camps problématiques, eh bien, c'est parce que ce bourgmestre a été aveuglé par le profit. Thierry rappelle que les camps scouts sont assez bénéfiques pour les commerces et communes dans lesquelles ils se trouvent. Les boulangers, les bouchers, les grandes surfaces et les fermiers qui louent leur terrain, eh bien, tous aurait été victime d'un grand manque à gagner si jamais le bourgmestre avait expulsé ou refusé les camps. Et enfin, Anne de Saint-Georges, elle se demande pourquoi le bourgmestre n'a pas arrêté le camp et n'a surtout pas prévenu les parents, parce qu'elle se met à la place des parents et elle se dit, eh bien, moi, si j'avais eu mes enfants dans un camp, j'aurais aimé qu'on me prévienne. Elle serait même allée rechercher ses enfants si elle avait su. Alors Anne se demande vraiment ce que le bourgmestre attendait pour fermer le camp. Elle pose cette question, est-ce que le bourgmestre aurait été jugé responsable en cas d'un accident grave ? Je peux vous dire qu'on est en train d'essayer de joindre le bourgmestre de Lierneux, Fabrice Léonard, qui sera, je l'espère, avec nous en direct tout à l'heure en fonction des opportunités d'agenda. Dans l'immédiat, au 070-233-466, Bastogne, Raymond, bonjour. Bonjour, monsieur Maréchal. Pour essayer de comprendre ce qui s'est passé à Lierneux, dites-nous ce que vous avez vu à Bastogne, parce que vous nous racontez des groupes de jeunes à l'abandon. C'est-à-dire que je me promenais sur la Ravelle. Et je suis tombé sur un groupe de dizaines de jeunes qui étaient réunis autour d'une carte. C'était des garçons et des filles de 13, 14, 15 ans, sans moniteur accompagnant. Et ils m'ont dit, nous devons aller à Bertogne. C'est une ville. Nous devons nous débrouiller pour trouver à manger et pour trouver un endroit pour dormir. Même un vieux hangar. Une demoiselle bien triste et angoissée me disait, et nos chefs sont au camp. Ils ont à manger et un lit pour dormir, eux. Raymond, je n'ai pas compris. Je comprends le jeu d'orientation, trouver une ville. Mais donc, au niveau du logement, ils étaient à l'abandon aussi. Totalement. Et ce n'est pas le premier groupe. Le premier groupe, c'était un groupe de Liège, de la région liégeoise. Et le dernier, c'était de la région de Waterloo. Mais ils obligent ces enfants à mendier de la nourriture, à implorer les citoyens pour trouver un endroit pour dormir. Mais quelle tonalité ? Parce que vous me le racontez comme si ces enfants étaient perdus à l'abandon avec des animateurs qui logeaient dans des 6 étoiles un peu plus loin. Ils se sentaient abandonnés ou pas ? Totalement. Je suis enseignant. Je sais quand même percevoir les émotions qui sortent de ces jeunes adolescents. C'était la tristesse. Ils ne savaient plus quoi. Si vous connaissez les jeunes, alors dans ce cas-là, à Bastogne ou à Lierneux, pourquoi des animateurs laissent les choses déraper à ce point-là ? Ah ben, je suppose que pendant ce temps-là, ils ont le temps libre pour faire autre chose. Ces jeunes étaient livrés à eux-mêmes pendant 24 heures. Ils devaient aller à Bertogne et le lendemain, ils étaient récupérés sans doute à Bertogne. Bon, avec ça leur laisse du temps libre pour faire quoi dans l'actualité. Bon, je trouve que c'est irresponsable de lancer des jeunes comme ça à l'aventure. Mais ça leur laisse du temps libre pour faire quoi, puisqu'ils sont censés être en charge des jeunes dans le moment du camp? Bah, ils sont livrés à eux-mêmes. Mais les animateurs, ils font quoi? Vous me dites que c'est du temps pour faire autre chose. Bah, ils pourraient avoir d'autres activités organisées avec un responsable. Ils peuvent parcourir la campagne, mais ayant un responsable avec eux, ayant avec eux de quoi manger, sachant où dormir. Alors dites-moi si c'est grave ou pas grave. Je vous soumets une série d'éléments, vous me dites c'est grave ou pas grave. Faire un jeu d'orientation avec des 14 ans, grave ou pas grave? Pas grave si c'est limité dans l'espace et dans le temps. Mettre la sono un peu trop fort alors qu'on a un camp de tente dans les bois, grave ou pas grave? Pas grave si c'est limité dans le temps. Aller déféquer sur le terrain naturel du voisin à Delin, c'est grave ou c'est pas grave? Ben, ça doit être fait avec sagesse. Ça l'était pas visiblement. Des canettes qu'on laisse après le camp, des canettes qu'on a abandonnées au pied des arbres, grave ou pas grave? Il n'y a pas que les scouts qui le font. Allez voir du côté de Martelange, les pompes à essence. Entrez dans le parc naturel de la forêt d'Anlis. Vous allez voir les canettes garnissant le bord de la route où des automobilistes ayant bu leurs canettes les lancent par la fenêtre. Dernière chose, dans le feu de l'action, je m'en vais avec mes copains voler des panneaux de signalisation. Grave ou pas grave? Très grave, mais ça ne se passe pas seulement avec des scouts. Très grave, m'avez-vous dit. On verra si le bourgmestre a la même lecture que vous. Merci Raymond, depuis Bastogne. Lierneux, on revient au cœur de la zone. Lierneux, José Michel, bonjour. Oui, bonjour. Vous qui êtes boucher charcutier là-bas, vous avez des contacts avec ces camps scouts? Ben, moi, j'ai livré pendant plus de 30 ans des camps scouts. J'en ai livré toutes sortes, des petits, des grands. Et j'ai encore toutes les années chez moi, dans un de mes gîtes, j'ai un camp scout de filles qui viennent. Je trouve que la première chose, c'est que les jeunes, on les laisse à leur insu, à gauche et à droite. Moi, j'ai vu les camps scouts qui se tenaient bien, c'était quand il y avait des adultes. Des voilà. Adultes de quel âge? Ah, moi, j'ai vu des adultes de 30, 40 ans, même 50 ans, qui les encadraient en plus des jeunes. Alors, ces gens-là sont où? Ben, ils sont à la cuisine et à la discipline. Voilà, donc c'est... Je vais prendre un cas d'un camp d'Affligem que j'ai livré pendant 12-14 ans en Viante, qui venait dans la région, parce que je livrais depuis Barvaux-Durbuis jusqu'à Lierneux, Chevron, Stoumont, Trois-Ponts, vous voyez, je livrais 10-12 camps tous les jours. Eh bien, ces gens-là d'Africaines, il y avait des adultes et ils étaient plus de 100. Mais c'était propre et c'était tenu. Donc c'est pas lié à la taille du groupe. Il y avait de la discipline. Un grand groupe ne veut pas dire chaos. Non, ça veut pas dire chaos. À partir du moment où vous avez des gens qui les encadrent dedans, mais il faut des adultes. Mais ici, donc, dans ce cas-ci... À 16 ans, dans les guides, par exemple, dans les filles à 16 ans, elles sont responsables de 30 personnes. À 2 ou à 3 ou à 4, elles sont encore trop jeunes. Apparemment, à Lierneux, l'été a été chahuté. C'est parce que les riverains sont tatillons. Oui. Les riverains sont tatillons ou c'est les scouts qui ont été trop loin? En face de chez moi, on avait un camp où on avait de la musique jusqu'à 11h du soir. Je sais qu'on doit s'amuser, qu'on doit rigoler, voilà. Maintenant, il y a ça. L'amusement et la musique, c'est encore rien. Mais j'ai vu déposer, moi, il y a 30 ans, c'était déjà comme ça, il y a 20 ans, des palettes complètes de bière. Alors ça, c'est une chose qui, pour moi, devrait être interdite dans les camps. Interdite. Palette, j'entends, je vous ramène à la musique. 11h du soir dans un camp scout en été, grave ou pas grave? Oui. Pour moi, jusqu'à 11h, c'est pas grave. Maintenant, plus tard, ça devient grave parce que les gens doivent quand même se reposer pour travailler le lendemain. Ça, c'est pas grave. 11h, vous me dites, certains peuvent mettre une limite à 21h, 22h. Vous m'avez dit 11h, je retiens que c'est pas grave. Il y a eu des problèmes de sono à Lierneux cet été. La police a dû venir et revenir. Bon, il est 10h31 et c'est l'heure de la proportion. Marion, dans les appelants de ce matin, combien estime que la vente d'alcool devrait être interdite aux scouts? Eh bien, 85% estiment que l'alcool et les scouts ne font pas bon ménage. Les magasins devraient être interdits de vendre de l'alcool aux scouts, même si ceux-ci ont plus de 16 ans et sont donc légalement autorisés à acheter de la bière. Christian de Malmédy le dit, lui, il travaille dans une grande surface et les scouts viennent faire leurs courses et achètent plus d'alcool que de victuailles. Alors, à chaque fois, il est très choqué de voir les factures qui sont plus élevées pour l'alcool que pour la nourriture. Il leur fait des remarques, mais les scouts montrent leur carte d'identité, ils ont 16 ans. RTBF Mobile Info, Stéphane, sur les routes. La situation est très calme sur les routes. Actuellement, Benjamin, sur le 400, on perd encore 10 minutes en venant de Namur à partir de Jésus-Eik. Un petit quart d'heure à l'approche des travaux d'Anderlecht sur le ring de la capitale en circulation intérieure entre Ytre et Grand Bigard. Et puis dans Bruxelles, encore des ralentissements du tunnel Rogier au tunnel Botanique vers le midi. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant, j'attends un nom dans la question qui dérange. Après l'agression d'un médecin, les médecins justement voudraient une liste noire des patients dits violents. Ça veut dire qu'on soignera plus tout le monde? J'attends un nom après la pause. Hérisson, tu te dandines sur les sentiers du Ravel. Tu louvois, tu dodelines lorsque les journées sont belles. Tu dégaines tes piquants au moment où vient Manon, chevauchant son vélo blanc, et pff, c'est la crevaison. Sur le Ravel, en tout temps, règne la loi du hérisson. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille, à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Un smartphone performant, c'est chouette. Sinon... Et c'est parti! Mais enfin, le tour vient à peine de commencer. Jaline ? Ouais ? C'est toi qui as débranché la prise de manège ? Bah oui, pour recharger mon GSM. La batterie se décharge tout le temps. Pour un GSM plus performant, profitez maintenant chez Orange d'un tout nouveau smartphone 4G à seulement 9 euros avec Dauphin 25 smartphones. Et restez connecté avec le monde. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Votre Opel à prix incroyable, c'est maintenant chez Opel Bounamo. Bounamo, plus que jamais les meilleures conditions, des super taux de financement et toujours un large stock de véhicules neufs et d'occasion. Bounamo, Bounamo, le service qu'il vous faut. Quai Vercours à 100 mètres du standard, opel-bounamo.be. L'école de promotion sociale d'Anglure. Une équipe dynamique vous propose des formations en journée ou en soirée. Anglais, alphabétisation, informatique pour débutants, Photoshop, création de sites, Illustrator. Et en nouveauté, une formation auxiliaire de l'enfance et utilisation de tablettes et smartphones. L'école de promotion sociale d'Anglure. Plus d'infos sur epsa.be. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Jeudi dernier, un généraliste de Forat a reçu 10 coups de couteau. Il a été laissé pour mort sur le seuil de son cabinet et le salut du médecin n'est dû qu'à l'intervention des chirurgiens de l'hôpital. Même si ce médecin n'est pas encore hors de danger, qu'il lutte toujours contre la mort à l'hôpital, il a fallu une intervention sérieuse car ce médecin a été agressé par un homme déséquilibré. Et bien depuis, en regardant l'ensemble des agressions de ces dernières semaines, les médecins veulent qu'on prenne des mesures et ils imaginent, l'ordre des médecins en tout cas, imagine une liste noire des patients identifiés comme violents. D'où la question qui dérange. Est-ce que ça veut dire que ceux et celles qui ont eu affaire à la police, qui sont peut-être impliqués dans les dossiers de violence conjugale, ceux qui sont dits violents de casier judiciaire ou pas, est-ce que ça veut dire que ces gens-là n'auront plus de soins? Mélanie, vous cherchez dans ce dossier le bon interlocuteur. Oui, et la personne avec qui vous parlerez, c'est Benoît de Jomep, le président du Conseil de l'Ordre. Alors pour lui, cette liste noire pour les patients violents ne sera pas une solution en soi, mais bien un outil, un dispositif parmi d'autres. Sur le site de l'Ordre des médecins, eh bien on peut également trouver un formulaire. Il s'agit d'un formulaire de notification d'agression à l'égard d'un médecin. Ce formulaire est assez complet, il est en ligne depuis près de 2 mois et déjà une douzaine de témoignages sont parvenus à l'ordre. Pour Benoît de Jomep, il ne s'agit que du haut de l'iceberg. La démarche est assez longue et complète et toutes les agressions ne sont pas dénoncées. Lorsqu'il s'agit de la première agression, le médecin a tendance à laisser passer, à se dire que c'est une exception. Vous pouvez apporter votre éclairage dans ce dossier, ce qui nous permettra d'alimenter l'interview de tout à l'heure. Laissez votre éclairage à Marion au standard. Le problème pour Marcel de Wellin, eh bien, c'est qu'il n'y a pas que les médecins qui ont le droit de savoir si une personne est violente ou pas. Marcel, lui, il est pharmacien. Il est aussi confronté à des clients violents tous les jours. Généralement, ce sont les personnes qui n'ont pas pu avoir les médicaments qu'ils voulaient chez le médecin et qui déversent leur rage sur le pharmacien. Alors, Marcel estime que chaque citoyen a autant de droits qu'un médecin de savoir si une personne est violente ou non. La liste devrait être rendue publique. Ouais, et le point de friction, évidemment, c'est le moment où il faut aller voir le médecin de garde. Hein, dans des moments de garde, la question qui dérange, est-ce que ça veut dire qu'on ne soignera plus ceux et celles qui ont déjà eu affaire à la police, qui ont un casier judiciaire ou qui sont suspectés de rendez-vous à 10h45. C'est vous qui le dites. En attendant, vous avez choisi une conversation sur le bilan de l'été à Lierneux, où 6 camps scouts ont fait des dégâts, canettes dans les bois, vols, nuisances sonores, des petits délaissés. Pourquoi les animateurs ont laissé les choses déraper à ce point-là? 070-233-466 et par SMS au 3063. Moucron est en ligne. Théo, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Quel âge avez-vous? J'ai 17 ans ici. Et quelle est votre responsabilité dans l'unité scout? Donc ici, cette année, j'étais encore pionnier, donc c'est la dernière année de, en tant qu'animé. Et je vais passer ici chef cette année, voilà. Vous serez à la tête d'une troupe de combien d'individus ? Donc, je ne sais pas encore exactement, donc, par contre ce que je suis sûr, ce sera les louveteaux donc, qui ont entre 8 et 12 ans, et souvent ils sont aux alentours de 25-30, quelque chose comme ça. 25-30, donc on nous a dit, je vous dis ce que j'ai entendu, que les chefs comme vous, ils ont une double vie. Il y a la vie de la journée et puis il y a la vie du soir, celle où on va boire, celle où on va voler des panneaux. Vous vous apprêtez à la double vie ? Non, pas du tout, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais elle existe, il paraît qu'elle existe. Enfin, ça ne m'étonnerait pas que dans certaines unités que ça existe, mais en tout cas, dans la nôtre, c'est pas comme ça. Et dans toutes les autres unités qu'on a rencontrées dans les camps que j'ai déjà fait, c'est pas comme ça non plus. Donc, est-ce que c'est une minorité qui a été mise en avant par les médias ? Je sais pas comment ça s'est passé. Mais attendez, si camps scouts qui font des dégâts, des riverains qui viennent, des polices qui viennent, des plaintes officielles, on peut mettre ça sur le dos des médias, mais il y a eu des faits. Pourquoi des jeunes se retrouvent sans la surveillance des animateurs ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les animateurs, à ce moment-là ? Là, c'est pas normal du tout. Mais est-ce que ces animateurs, tout d'abord, il faut se poser la question, est-ce que ces animateurs avaient les formations requises? Enfin, requises. On n'est jamais obligé d'avoir une formation, mais il y a des formations qui sont présentes. Est-ce que ces animateurs l'ont faite? Ça, c'est une question aussi qui se pose. Mais est-ce qu'il faut une formation pour savoir qu'après le camp, on laisse pas les canettes dispersées dans les bois? Non, pas du tout. Donc ça, c'est pour ça, dans notre unité, je vais pas mentir, de toute façon, on a des bières dans nos camps, ça c'est sûr. Nous, on buvait un verre le soir autour du feu, et ensuite, c'était respectueux, on n'a jamais eu un garçon ou une fille qui était bourré en fin de soirée, et on a toujours ramassé nos déchets en fin de soirée, qu'on mettait dans un sac poubelle et qu'on allait porter le lendemain à la poubelle la plus proche. Alors, puisque vous êtes un chef de raison, vous auriez été bourgmestre de Lierneux, vous avez ces quelques faits-là sur votre territoire avec des camps de 100, 130, 140 personnes qui posent problème. Vous mettez ces camps à la porte de la commune ou vous faites quoi ? Je pense pas, parce que il y a des enfants qui sont là. Ils ont pas demandé que les animateurs ne s'occupent pas d'eux. Ils sont là pour profiter. C'est des vacances aussi pour certains qui vont pas avoir de vacances après. Donc je pense que ça aurait été une déception pour les enfants. Je pense qu'il y aurait mieux valu trouver une solution pour essayer de raisonner les animateurs plutôt que de les virer. Donc pour éviter les déceptions, les scouts, on peut tout leur permettre. Ah non, quand même pas. Mais par rapport aux faits, je veux bien qu'il y a eu, des nuisances. Je suis d'accord, la police a dû intervenir. C'est vraiment pas normal. Je suis tout à fait d'accord. Mais il faut se rendre compte que... Enfin, on n'a pas entendu non plus c'est des enfants de quel âge. Si c'est des enfants de 16 ans ou plus. Enfin, c'est plus des enfants, mais des ados de 16 ans comme moi. Là, je comprends que... Là, il aurait fallu les virer parce qu'ils savent ce qu'ils font. Mais si c'est des plus petits qui ont 6, 12 ans, ils y peuvent rien par rapport aux conneries des animateurs. Ah bien, il y a une conversation sur les âges ce matin. C'est la conversation dans la conversation avec l'importance de la présence d'adultes dans les unités. Merci Théo et bon amusement dans votre parcours de chef puisqu'on y arrive. Il est 10h40. On appelle les experts. Voici justement le bourgmestre de Lierneux, la commune concernée par ces camps qui ont posé problème à répétition. Fabrice Léonard en ligne, bonjour. Bonjour Monsieur Maréchal. Ces 6 camps problématiques étaient composés d'enfants de quel âge ? Oh, l'âge variait. Mais en fait, il y a une chose qui serait quand même intéressante. Permettez-moi de désamorcer un petit peu l'amplification qui se fait depuis hier dans les différents articles et dans les différents traitements de l'information. Il y a bien entendu des problèmes qui ont été constatés, des faits qui sont tout à fait négatifs, pour lesquels nous devons prendre des mesures. Par contre, il faut aussi relativiser les choses. Donc sur les 52 camps que nous avons eus, 6 ont posé problème. Ah ben c'est de ces 6-là qu'on parle, et les autres effectivement étaient sans aucune remontrance. Les 6, c'était des unités francophones ou flamandes ? Les deux. Les deux. Oui. Ces chefs qui ont volé des panneaux de signalisation, c'était des jeunes gens de quel âge ? L'âge allait aux alentours de 16 à 18 ans. Vous avez envoyé des patrouilles dans ces différents camps, à des moments différents. L'intervention de la police n'a jamais réussi à calmer les choses ? Ah si, les différentes interventions de la police ont permis de calmer les choses, mais de manière momentanée. Donc il y a une récurrence des différents phénomènes qui fait qu'à un moment donné, il y a saturation. Alors si vous me permettez aussi peut-être d'intervenir sur le fait d'avoir ou de ne pas avoir pris l'arrêté d'expulsion. On est dans un cadre de camp de jeunesse. Donc la plupart des actes ou des faits qui ont été constatés sont souvent dus aux plus âgés, du moins aux adolescents. Des majeurs ou des mineurs, les plus âgés? Il y avait des majeurs là-dedans? Il y a des majeurs, bien entendu. Et là, vous ne pouviez pas... Il y a encadre des mineurs. Il n'y a pas possibilité de procès-verbal? Comment dites-vous? Il n'y a pas possibilité de procès-verbal ou d'interpellation si c'est des majeurs? Tout à fait. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées par des riverains, en bonne et due forme. Alors, ce qu'il faut quand même recadrer, c'est lorsque vous devez prendre un arrêté d'expulsion, c'est lorsque la sécurité est quand même mise en péril. Ici, nous ne pouvons pas dire que la sécurité était mise en péril. Par contre, il y avait une récurrence qui faisait qu'il fallait vraiment prendre une mesure compréhensible, clairement, par les animateurs et les personnes qui encadrent ces jeunes. Vous pourriez me donner les faits pour éviter les fantasmes? Donc, des riverains auraient vu des jeunes laissés à l'écart pendant que des animateurs faisaient la fête. Quelle est la vraie réalité de cette situation pour éviter les fantasmes et les différents faits qui sont récurrents, c'est le tapage nocturne. Le tapage nocturne peut varier d'une simple discussion élevée sous les fenêtres de riverains jusqu'à une soirée un peu plus festive. Ça, c'est clair. Il faut vraiment se rendre compte de la situation relative qui est perçue par les gens qui doivent se reposer pour aller travailler le lendemain. Ils ne sont pas du tout en vacances. Et lorsque vous avez un tapage nocturne qui se manifeste même sur des champs, à base de champs ou de discussions élevées, et qui plus est parfois peuvent aller jusqu'à des nuits un peu plus agitées, ben là, bien entendu, il y a un ras-le-bol. Quelle est l'heure de fin du bruit chez vous? Il y a tolérance à Lierneux jusqu'à 22, 23 minutes? 22 à 6 heures. 22, 6 heures. Sur toute la zone de police, oui. Est-ce qu'au final, à l'autopsie, autant de camps, est-ce que ce n'était pas trop, pour le dire autrement, est-ce que pour la saison prochaine, vous envisagez de nouvelles règles ou réduire la possibilité d'installation des camps? Oui, tout à fait. Il faut absolument que nous prenions chaque autorisation de manière bien précise, que l'on puisse voir l'implantation exacte, le nombre de participants, le nombre de camps, la récurrence et la proximité d'un camp à l'autre pour justement équilibrer et arrêter d'avoir ce genre de situation. Ce matin, 10h44, combien de camps encore sur la commune de Lierneux? Il n'y a plus de camps pour l'instant. Plus de camps pour l'instant, mais vous envisagez donc des mesures précises pour l'an prochain. Merci Fabrice Lenard d'être venu expliquer, dire la réalité et ce que ça changera pour la suite et pour les habitants de la commune et leur droit au sommeil. Vous êtes bourgmestre de Lierneux. Merci de nous avoir rejoints. Au 070-233-466, Marion, les chefs scouts dérapent, c'est une réponse à la question que nous nous posons, parce qu'ils sont trop jeunes, ça semble être une certitude. Oui, c'est ce que Frédéric Derstal m'a dit. Lui, il a des très mauvais souvenirs de camps qui ont dérapé quand il était jeune scout. Un des camps a tourné en un camp militaire. Alors les chefs les empêchaient de dormir et de se laver. Après 4 jours, le camp a même été arrêté. Les parents sont revenus chercher les enfants tellement ils étaient maltraités. Alors les chefs ont agi de cette manière, selon Frédéric, parce que le pouvoir qui leur était confié, eh bien, leur est tout simplement monté à la tête. Ils abusaient de l'autorité qu'ils avaient sur les jeunes. Même réponse du côté de Charlotte de Pousset. Elle dénonce aussi cet abus de pouvoir des chefs scouts. Il y a 2 ans, à son camp, les chefs scouts ont traité certains animés, donc certains jeunes, comme de vrais esclaves, des enfants qui gèrent d'autres enfants. Ça ne peut rien donner de bon, selon Charlotte. C'est vous qui le dites, Namur. Karine, bonjour. Oui, bonjour. Votre fils a 22 ans, responsable d'un camp scout. Pourquoi il est revenu énervé du camp? Qu'est-ce qui n'allait pas? Et en fait, il y a effectivement des animateurs qui manquent de responsabilité, mais je pense qu'en fait, c'est une question d'éducation. Voilà. Mais ces animateurs, ils ont quel âge? Parce que votre fils est un adulte, 22 ans. Il a 22 ans, je pense qu'un camp ne doit pas être nécessairement... Le chef éclaireur ne doit pas nécessairement être âgé de 30 ans pour avoir un sens des responsabilités. Je pense que le sens des responsabilités, on l'a ou on ne l'a pas, quel que soit l'âge. Votre fils, il laisse des scouts aller déféquer sur des terrains voisins? Écoutez, il ne m'a pas donné les détails, hein. Qu'est-ce qu'il appelle alors, animateurs qui ne prennent pas leurs responsabilités? Qu'est-ce qu'il a vu? Par exemple, ils avaient du mal à se lever... À la limite, c'était l'intendance, les cuistots qui se levaient avant. Si mon fils ne se levait pas, enfin, lui se levait puisqu'il était le chef éclaireur, mais il devait les sortir du lit, quoi, par exemple. Voilà. Tout géré, alors que normalement, les animateurs doivent prendre davantage de responsabilités dans le camp, quoi. Vous auriez été bourgmestre de Lierneux. Vous les mettez dehors, tous ces scouts? Écoutez, j'ai écouté le bourgmestre de Lierneux, je suis d'accord avec certaines choses. Il y a d'autres, il y a des abus, mais enfin, bon... Vous les auriez mis dehors, oui ou non? Je pense qu'il a bien agi. J'ai écouté. Je pense que je suis de son avis. Je trouve que. Ok, il n'a pas mis dehors, lui. Il n'a pas mis dehors. Il s'est dit il y a trop d'enjeux, trop de jeunes. Karine sur la même longueur d'onde. On marque une pause. Et puis cette liste noire des patients violents interdits de généralistes. Athénée Maurice Destenay, le meilleur choix pour les études. Tous les types d'enseignement, de l'immersion en anglais et un apprentissage moderne avec entre autres tablettes et tableaux interactifs. Athénée Maurice Destenay, désormais 3 implantations avec un premier degré sur le site EC Carré près de la Médiacité. Ça bouge à Destenay. Info 04 343 04 28. En télé sur la Une. Je t'ai apporté des pâtes de fruits. T'as bien fait, les vieux adorent les sucreries. Mais moi, pas. Quand un père et son fils se redécouvrent, la vie prend un autre parfum. Si vous voulez rentrer chez vous, il faudra faire des aménagements, enfin des travaux. Faut compter 2 petits mois. 2 mois ? La fleur de l'âge avec Jean-Pierre Marielle et Pierre Arditi, lundi soir sur la Une. Vous cherchez un enseignement de qualité et une promesse d'avenir, quel que soit le chemin dans le secondaire? Saint-Louis-Warem, un enseignement général, technique et en alternance. Dans une petite ville sécurisante, très facile d'accès par train et par bus, découvrez nos nombreuses options et relevez les nouveaux défis de notre société. Sprite. Du pur rafraîchissement et puis c'est tout. Sprite, born to refresh. Vous rêvez d'une nouvelle cuisine équipée? Et si nous la concevions ensemble? Design fonctionnel et parfaitement équipé. Cuisson à induction, four multifonction, lave-vaisselle intégrée. Ego vous offre jusqu'à 2500 euros de remise sur l'électroménager. Conditions sur ego.be. Ego, la cuisine de ma vie. Avec vous Sport World, le meilleur du sport international débarque chez vous. Cette offre Hole in One est disponible pour moins de 15 balles, 14,99€ par mois pour être précis. Vous allez dire, mais non. Alors pour en profiter et ne pas être hors-jeu, allez vite vous renseigner dans une boutique vous sur vous.be ou au 0800 800 25. Si vous aimez le sport, vous devez avoir vous Sport World. Offre soumise à condition. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Après l'agression d'un médecin à Forêt, l'Ordre des médecins veut une liste noire des patients identifiés comme violents. Avant d'interpeller le président du Conseil de l'Ordre, dernier éclairage au standard, Marion. Et le problème pour André Dessine, c'est que toutes les personnes qui ont un jour été accusées ou condamnées pour un fait de violence vont se retrouver dans des difficultés pour obtenir des consultations chez un médecin. André, lui, il est plus ou moins dans le cas. Il explique qu'il a été accusé par son ex-femme de violence conjugale uniquement pour obtenir la garde des enfants lors du divorce. Alors, il se demande si lui aussi, il pourra être repris sur cette fameuse liste noire alors qu'il ne s'est pas violent du tout. Le président du Conseil de l'Ordre des médecins, Benoît de Jemep, en ligne. Bonjour. Bonjour. D'abord, des nouvelles de l'état de santé de ce médecin de Forêt qui a été lourdement agressé la semaine dernière. 10 coups de couteau, dans quel état est-il ce matin? Avez-vous des nouvelles? Nous avons comme nouvelle qu'il est toujours dans le coma. Ce qui confirme la gravité. Oui, c'est donc particulièrement grave. On espère qu'il s'en sortira, mais enfin, le pronostic n'est pas encore tout à fait certain. Avant d'évoquer votre proposition, cette fameuse liste noire, on dit qu'il y a dans les hôpitaux déjà une liste noire secrète, mais que d'hôpitaux en hôpitaux, on a une liste de gens qu'on ne veut plus voir aux urgences ou dont on se méfie. Est-ce que vous pouvez me confirmer l'existence de cette liste noire? Je pense qu'il faut s'entendre d'abord sur le sens de l'expression. Il faut faire aussi, avec un peu de prudence, usage des mots, parce qu'il y a des mots qui font plus choc que sens. Donc les listes noires comme telles, je n'en ai pas connaissance. Il ne s'agit pas non plus de listes qui sont des listes de nature à exclure les gens de manière définitive des soins de santé, parce que les soins de santé sont un droit fondamental. Les gens en prison qui ont pu commettre des violences ont bien sûr droit aussi aux soins. L'idée de la piste d'une liste, c'est pour effectivement assurer une meilleure sécurité aux médecins, pour faire en sorte que la relation médicale soit une relation de confiance comme il se doit, pour que le médecin puisse prodiguer les meilleurs soins possibles aux patients. Donc on parle de généralistes, de consultations, de moments de garde. Oui. Qui voulez-vous mettre sur cette liste? Uniquement des gens à casier judiciaire, des gens qui ont fait l'objet de PV? Qui voulez-vous sur cette liste? Non, non, ce sont des personnes qui se sont manifestées déjà auprès du corps médical, surtout à l'échelle locale, par le biais des cercles de médecins généralistes, par les services de garde, à la faveur de la création, par exemple, d'un médecin coordinateur de sécurité, de personnes qui présentent un certain danger et qui devraient alors être reçues dans des conditions plus sécurisées que simplement une relation personnelle. Comment éviter le délit de faciès, le délit de gueule ou le délit de verbal? Est-ce qu'on peut imaginer qu'un patient qui aurait été agressif verbalement soit référencé par un médecin comme étant dangereux? Non, on ne va pas jusque-là. Pour être susceptible d'être dangereux, il faut au moins avoir déjà commis ce qu'on appelle un passage à l'acte. Hein. Et donc, même si ça n'a pas été soumis aux autorités judiciaires, par exemple, même s'il n'y a pas eu de plainte, c'est parce que les médecins généralistes ou les médecins qui travaillent dans les services de garde sont plus au courant, en tout cas, des éventuels dangers qu'ils courent. Et vous avez vu la semaine dernière, mais il y a eu d'autres cas encore l'année dernière, et cette année-ci, de cas où des médecins ont été sauvagement agressés. Il y en a même un qui a été assassiné par un patient, et pas dans une grande ville, hein, dans un petit village à Izeghem, en Flandre. Une minute devant nous, Benoît de Jemep. Ce patient référencé comme violent, il sera soigné où alors? S'il est identifié au moment du coup de téléphone comme étant violent, il sera soigné où alors? Ah ben, soit dans un service de garde où il y a plusieurs personnes qui sont présentes, qui permettront donc, le cas échéant, d'éviter qu'il y ait un passage à l'acte et qu'il y ait une relation plus immédiate, plus immédiate puisse avoir lieu. Il n'y aura pas d'effet de rejet. Donc celui qui est rejeté par le généraliste de peur et renvoyé dans un hôpital qui pourrait lui-même le rejeter, il n'y aura pas d'effet rejet en boule de neige. Ça ne paraît pas possible. Il faudra en tout cas simplement envisager d'encadrer la relation entre le patient et le médecin pour que celle-ci puisse avoir lieu dans des bonnes conditions. Et s'il y a une manifestation de violence, que le médecin puisse faire appel immédiatement pour qu'une réaction immédiate puisse être faite. Parce que si on laisse par exemple le médecin seul avec une application vers un service de police, par exemple comme une alarme, les faits auront déjà tout le temps d'être réalisé avant que l'intervention publique ait lieu. Vous êtes président du Conseil de l'Ordre des médecins. Merci Benoît de Jemep. On va vers les enseignements dans un instant. La rentrée approche. Pensez à un des établissements scolaires de l'enseignement libre de Wii. De l'enseignement secondaire général en passant par les filières techniques et professionnelles, vous trouverez toujours la spécialité qui correspond à votre enfant. Notamment agent en accueil et tourisme à Sainte-Marie à Huy, technique sociale à l'abbaye de Flône à Annay, technique artistique au Val-Notre-Dame à Antay, mais aussi professionnel électricité à Don Bosco. N'hésitez plus et laissez-vous conseiller au mieux pour son orientation. Vous recherchez un internat pour votre fille? Pensez au Val-Notre-Dame ou à l'abbaye de Flône. Ce dont on a le plus besoin au réveil, c'est de vivacité. Alors, demain matin dès 4h30, Bernard Dewey vous réveille avec vivacité. Vivacité et la ville de Charleroi présentent Charleroi 350 ans. C'est 2, 3 et 4 septembre, week-end d'anniversaire. Soirée d'ouverture place de la Digue, cortège historique avec la présence de l'Homme Gang, Carolo Retro Cars, accès exceptionnel à de nombreux sites historiques et Kefies, grande fête populaire sur les quais de Sambre. Info charleroi.be/350ans avec la une. Vous connaissez l'histoire de ce kiné qui s'est fait un tour de rein? Ou celle de cet anesthésiste qui s'est fait piquer par une mouche CC? Ou celle de cet acupuncteur qui a perdu ses aiguilles dans une botte de foin? Non, c'est normal. Vous avez mieux à faire qu'imaginer le pire pour votre cabinet ou pour votre officine. Moi, c'est mon métier. Alors, passez me voir et effectuons un check-up de vos assurances professionnelles. J'ai plein de conseils à vous donner. Pour maintenant et plus tard, votre agent d'assurance CBC. Anticipez pour mieux faire avancer les professions libérales. CBC, décidez d'avancer. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Et nous voici au moment des enseignements. On commence par le débrief de la question qui dérange. Cette liste noire, représentée comme telle, des patients violents chez le médecin, sur la page Facebook, Zoé Boss. Sur la page Facebook, vous êtes 40 086 à faire le débat ce matin, dont Alain. Pour lui, s'il y a des patients mentalement dérangés, c'est à cause des médicaments que certains médecins prescrivent. Quand on joue avec le feu, il faut accepter de se faire brûler. En résumé, selon Alain, les médecins ne peuvent pas se plaindre de la violence de leurs patients. Vous avez souhaité une conversation sur les dérives de séquences coûtes à Liernou, notamment notamment, ou si, quand ont causé des dégâts. Pourquoi les animateurs ont-ils laissé les choses déraper à ce point-là? Eh bien, unanimité pour dire que l'âge et le manque de maturité des animateurs expliquent beaucoup de choses. Vous nous avez également listé des scènes, comme ces vols de bois sur terrain, ces excréments laissés sur terrain, les livraisons de palettes d'alcool, l'absence de réveil des animateurs en charge des enfants, ou encore des activités d'orientation dangereuses sans logement prévu pour les enfants. Et puis la réaction des experts, le bourgmestre de Lierneux qui nous a dit avoir renoncé à l'expulsion, car l'expulsion ne peut être un outil utilisé qu'en cas de sécurité mise en péril, ce qui n'était pas le cas ici. Dernière personne au standard à laquelle vous avez parlé, Marion. Eh bien, c'était Michel de Anse, sa fille de 10 ans est chez les patros, et cette année, il y a aussi eu des problèmes par rapport au logement. Cette fois, les patros ne vont pas en camp, mais en gîte, alors les chefs n'avaient pas du tout regardé à la sécurité du lieu. Au final, c'est un papa qui s'en est rendu compte. Il a tout revérifié et expliqué pendant des heures au chef comment fonctionnaient les sorties de secours, les alarmes incendie, la cuisine au gaz. Le papa l'a exigé. Tant que la sécurité n'est pas assurée, le camp n'a pas lieu. À 9h, trois débats sur la table et vous avez choisi d'aller plus loin sur ces scouts qui vont beaucoup trop loin parmi les moments de ce matin. Ce matin, il y a eu Emmanuel de Visé à 10h15. Emmanuel a fait 11 ans de scoutisme. Ses trois enfants sont eux-mêmes dans des mouvements de jeunesse. Et Emmanuel parle par expérience d'ancien chef. À 18 ans, les jeunes manquent de maturité pour de telles responsabilités. Parfois, vu le manque de maturité, bon, ben, moi je suis passé animateur à 18 ans. Bon, parfois, nous n'étions pas tout à fait responsabilisés. Et ce n'est qu'en acquérant une certaine expérience et en ayant surtout un encadrement que la maturité est venue. Donc, et il y a parfois certaines unités où l'encadrement adulte est franchement lacunaire. Je les exclus immédiatement. Ce n'est pas à faire. Quand un adulte boit des verres, c'est normal qu'on va à la catastrophe. Mais quand ce sont des jeunes qui ont bu 2-3 verres, là, on ne sait plus où ça peut s'arrêter. C'est pour ça que l'on voit les dégradations après ce qui se passe. Et je crois que les bourgmestres de ces communes doivent prendre des initiatives à propos de ce genre de comportement. Alors, ils ont déféqué à de nombreuses reprises sur ma parcelle, en laissant du papier, et ils ont volé du bois, l'équivalent d'une stère ou d'une demi-stère de bois. J'ai aussi des voisins qui se plaignent de beaucoup de bruit toute la nuit. Oui, je pense qu'il fallait marquer le coup et montrer un peu d'autorité et le mettre dehors. Il n'y a pas que les scouts qui le font. Aller voir du côté de Martelange, les pompes à essence, entrer dans le parc naturel de la forêt d'Anlis, vous allez voir les canettes garnissant le bord de la route où des automobilistes ayant bu leurs canettes les lancent par la fenêtre. En face de chez moi, on avait un camp où on avait de la musique jusqu'à 11h du soir. Je sais qu'on doit s'amuser, qu'on doit rigoler, voilà. Maintenant, il y a ça. L'amusement et la musique, c'est encore rien. Mais je l'ai vu déposer, moi, il y a 30 ans, c'était déjà comme ça, il y a 20 ans, des palettes complètes de bière. Alors ça, c'est une chose qui, pour moi, devrait être interdite dans les camps. Si vous pouviez passer le mot autour de vous, c'est vous qui le dites et de retour. C'est la rentrée aujourd'hui sur Viva, et ce sera comme ça tous les jours entre 9h et 11h. Voilà pour nos 2 heures de dialogue. À demain.